Normandie en passant par le bassin parisien et les Pays de la Loire, ça ira mieux cet après-midi, tandis que le ciel est bien dégagé partout ailleurs. Les températures stationnaires ce matin, entre 10 et 18 degrés, 16 en Ile-de-France. Ça monte cet après-midi, principalement dans le sud, et ce sera encore plus chaud demain, on aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, il fera de 20 à 29 degrés. La pollution, c'est bien, sauf dans le sud-est. Les indices compris entre 3 et 4, 5 à Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Toulon. Est-ce, comme il le dit, une nouvelle tentative de destruction ou a-t-il été trop loin? La justice le dira, mais quoi qu'il en soit, Rof fait encore les gros titres ce matin. C'est le Parisien qui évoque l'affaire depuis hier. La femme du rappeur du 9-4 se serait rendue au commissariat pour porter plainte pour violence conjugale. La police aurait auditionné la victime présumée hier à Saint-Maur. Elle évoquerait des coups de pied, des coups de poing, des gifles ou encore des menaces de mort. ROH2F a déposé une main courante et devrait être convoqué au poste pour s'expliquer. Difficile donc d'y voir clair ce matin, d'autant plus que le Vitrio affirme sur son compte Facebook que toute cette histoire est faux, c'est que sa femme bientôt fera la lumière sur tout ça. Il laisse entendre que le Parisien a toujours voulu le détruire. Toujours selon la presse, c'est une voisine qui aurait entendu des cris et qui sera intervenue donc dimanche au domicile du couple pour mettre fin à la scène de violence. La disparition de Shimon Peres cette nuit dans son sommeil. L'ancien président et premier ministre israélien est mort à l'âge de 93 ans. Il avait été récemment victime d'un AVC. L'histoire retiendra l'accord d'Oslo conclu avec les Palestiniens qui lui avait valu le prix Nobel de la paix en 1994. Livre explosif signé par Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, La cause du peuple, sort demain. Mais les bonnes feuilles sont publiées ce matin par l'Express. L'ancien président n'aurait pas été tendre avec ses collaborateurs. Fillon qu'il juge être un pauvre type. Chirac, le président le plus corrompu de la 5ème République. Des femmes au gouvernement juste pour leur physique. Le président du Sénat, un homme laid. Ou encore Christian Estrosi, un abruti avec une noisette dans la tête. Pire encore, Patrick Buisson affirme que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a laissé les émeutes de 2006 contre le CPE. Son objectif était de mettre en difficulté le chef du gouvernement de l'époque, Dominique de Villepin. Enfin, il aurait aidé Jean-Marie Le Pen à avoir les signatures nécessaires pour se présenter en 2007. Deuxième nuit en garde à vue pour Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement intérieur, est entendu depuis 48 heures pour une affaire de trafic d'influence. L'ex-patron de la PJ parisienne, Christian Flech, a lui été libéré. Il est reparti avec le statut de témoin assisté. Du foot, avec la deuxième journée de la Ligue des Champions, soirée en demi-teinte pour les clubs français. Lyon s'incline 1-0 contre Séville et se trouve désormais à la troisième place de son groupe. Monaco concède le nul in extremis, un but partout contre le Bayer Leverkusen. On va voir si Paris fait mieux ce soir en Bulgarie à Sofia. PSG Ludogorets, coup d'envoi à 20h45 et rendez-vous pour suivre tout ça avec toute l'équipe de la Radio Libre. Dans les autres matchs d'hier, le Real a été accroché 2-2 par le Borussia Dortmund malgré un but de Ronaldo et un autre de Varane. La Juve a collé un beau 4-0 au Dynamo Zagreb. Quand même. Ouais. Merci Rémi pour les infos et rendez-vous dans une demi-heure pour la suite. Bonne journée à vous. Bonne journée Rémi aussi, on peut lui dire bonne journée. Merci. Croyez, hein. Allez, bonne journée. Bonne journée. Il est 6h du matin, c'est parti pour le morning en direct. De quoi a rêvé l'équipe cette nuit? Diffoul a rêvé qu'il faisait de la radio en direct de la planète Mars. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes, bonjour à tous. Romano a rêvé qu'il avait gagné à l'Or Million. Alors, le 30. Oui, je l'ai. Cédric a rêvé d'un kebab. Non, la crème fraîche, c'est toute ma vie avant. Cariole a rêvé d'un très gros kiki. Ça change de Romano. Salut. Et non, vous ne rêvez pas. Ils sont bien avec vous ce matin. En direct de la part, 6h-9h. Bonjour à tous, salut tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Romano, bonjour Cariole, bonjour Karim, bonjour Sam. Bonjour, salut. Rebonjour Rémi. On est content, on a dit bonjour deux fois à Rémi, deux fois à lui. Ah, j'aime bien. Et une fois aux autres. Eh bien. Voilà. C'est bien, voilà. Il en faut peu pour rendre les gens heureux. Ah, bah oui. Bon, on va vous rendre heureux peut-être ce matin. Il y a de l'argent à gagner. De l'argent avec les 1500 euros. Hier, c'est tombé deux fois. On salue Emilien. Emilien, on l'a eu hier soir dans la radio libre. Il était au Bahut quand on l'a appelé. Il a laissé Skyrock sur son répondeur. Il a gagné. Et on salue Bilal aussi à Metz qui a gagné hier matin. Bravo à tous les deux. Ah, bah tiens, Bilal. On va l'écouter. Écoutez ce qu'il faut faire si vous voulez gagner 1500 euros. C'est facile. Oh, Diffoul. C'est magnifique, ça. Je peux rien te dire, Bilal. Magnifique. Je vais juste te poser une question. Quelle est ta radio préférée, Bilal? Skyrock. Bilal, tu viens de gagner ce matin en direct sur Skyrock 1500 euros. Oh, putain, et si? Oh putain, magnifique. C'est bien marré hier soir parce qu'on a parlé, on a rêvé un peu. On s'est dit, si on gagnait 1500 euros maintenant, qu'est-ce qu'on en ferait? Vous avez eu plein d'idées, hein. Donc commencez à réfléchir et puis surtout, répondez Skyrock. On jouera tout à l'heure à 7h30, à 6h30, à 7h, 7h30, 8h, 8h30, toutes les demi-heures. 1500 euros à gagner. Allez-y, inscrivez-vous aussi au 720. Vous auriez 1500 au 720. C'est un petit tuyau que je vous donne. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Sinon, on vous appelle. On tire aussi dans les annuaires. On tire partout. Ouais. 1500 euros. Tu ferais quoi, Cariole? On t'a pas demandé. Romano, j'ai eu du mal à lui demander. Ah, qu'est-ce que d'ailleurs, tu n'as rien répondu. J'ai du mal à avoir de réponse, mais je lui ai interdit de mettre. Ouais, côté. Mais moi, j'ai besoin de rien, moi. Il a besoin de rien. Ah, je t'ai dit de me les donner. Ouais. Ah. Comme il a besoin de rien, il me les donne, voilà. Ah, c'est bon, on a trouvé, excuse-moi. Maintenant, je me rappelais plus ce que t'avais répondu. Non, mais j'ai jamais répondu ça. Feriez quoi avec 1500 euros? Tu ferais quoi, toi? Petite paire de bottines, moi. Encore? En ce moment, je suis sur une paire de bottines que je cherche, ouais. Mais l'autre, elle est en permanence, elle est sur une paire de chaussures. Une paire à 1500 elle, balles? Elle a déjà ça. Pourquoi pas? Trois. La pompe. Attends. Bah ouais. Bon, alors, un petit chèque de 1500 euros. Le premier, c'est à 6h30 tout à l'heure. Avant 6h30, embrouille en direct. Une star s'embrouille. Ce sera notre invité mystère qu'on va retrouver tout à l'heure à 6h20 même. Allez, je peux même vous donner l'horaire. 6h20, vous gagnez votre PS4, la PS4 Slim, tous les matins sur Skyrock. Elle est pour vous. Et donc, quelqu'un qui s'énerve ce matin. Sinon, des conseils pas chers que vous retrouverez tout à l'heure. Ouais, bah bien sûr. Hein. Ouais, je crois que tu vas dénoncer des arnaques ce matin, en faire également. Ouais, dans un premier temps, je vais m'occuper de la santé des gens. La santé des gens, c'est important. Notre santé à nous, oui. Également la santé des animaux. La santé de tout le monde. Oui, la santé de tout le monde à 6h40. Les conseils pas chers. Votre horoscope à 7h15. Et puis, le réveil de star arrive. Avec un film qui sort aujourd'hui. Alors c'est pas un film Skyrock du tout, hein, mais c'est un film qui sort aujourd'hui. Et j'ai vu écrit ça partout. Je m'attendais à avoir la tête de Romano dessus. Pas du tout, c'est Danny Boone. Ah, Radin. Il y a écrit Radin partout dans les rues. Radin. Je me suis dit, il y avait une affiche avec Romano. Pas du tout, c'est Danny Boone. Ouais, c'est le nouveau film de Danny Boone. Ouais, il est juste acteur, hein, c'est pas lui qui le réalise tout ça. Hein. D'accord, et il est Radin dans le film. Ouais, bah Radin, ouais, Radin compulsif, et il découvre qu'il a une fille cachée. Ah ouais. Et c'est terrible parce que la fille, elle lui demande forcément des ronds. Et ça le traumatise. Mais oui, mon bon Danny. Mais oui, j'ai fait le pitch de ton film. C'est Danny Boone. Bonjour. Bonjour, Danny Boone. Bon, Danny Boone, réveille les Français dans un. Ouais. Allez, on va voir ce que ça va donner. Ce qui va être bien reçu. Il est populaire, Danny Boone. Il devrait être bien reçu, non? Bah, ça devrait aller si les gens le reconnaissent. Ouais, allez, on croise les doigts. C'est dans un instant le réveil de star qui arrive. Et puis du son pour se réveiller. Plein de gros sons sur Skyrock ce matin. On va écouter Justin Timberlake. On écoutera PNL. Ah, le son de PNL avant 6h30. Naughty Boy, tiens, ça, un petit dédicace à Cédric, il adore ce morceau. Sam Smith. Eh bien, Cédric, c'est il pour toi, Naughty Boy. Je crois que c'est surtout Sam Smith qui kiffe bien Cédric. Ouais, il s'était bien apprécié quand il était venu. Ouais. Et quand il était venu à la radio, Sam Smith, c'était pas mal. Il y avait des petits regards langoureux. Mignon. Autrement dit, un homme de goût, ce Sam Smith pour. Donc, là, on va écouter de Sam Smith avec, avec Naughty Boy. Ouais. Et tout de suite, pour démarrer, Alonso avant le réveil de star. C'est Binta. Tiens, dites-nous si vous vous estimez radin. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 41759 sur l'appli Skyrock. Et en quoi vous êtes radin? Avouez-vous. Ah, mais moi, j'y suis type Barada, par exemple. Ne soyez pas dans la dénégation, ne soyez pas comme Romano. Avouez votre radinerie. Bah, non, mais j'achète des trucs. Hein. Hier, j'ai été lavé une couette. Ouais, non, mais à un moment, t'es obligé de vivre aussi. La machine à laver, ils me l'ont pas fait gratos. Hein. Tu vois, même Karim s'en rend compte. C'est fou, hein. Non, mais je vis normalement. Ah oui, t'es avec nous ce matin. Je dépense des sous, moi. Ah, bah, grave. Un peu trop, d'ailleurs, à mon goût. Et surtout les sous de sa meuf, mais bon, c'est marrant, la carriole. C'est les miens qui dépensent. Allez, bah, bien sûr, rajoute-en une couche. Dis la vérité, vous. 41759 avec l'appli Skyrock. Allez-y, c'est parti, 6h06, Alonso, Binta et Danny Boone, le héros de Rana. Le réveil de star arrive sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Eh oui, le morning, c'est tous les matins. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On a pris de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la part des ans comme ça. que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le coût des finances, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. C'était Alonso sur Skyrock, il est 6h10. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va retrouver notre Danny Boone. T'es con. De Danny Boone de... C'est Roman, on est tous les deux. Des radins, là. Alors, on est tous les deux, hein. Des radins, quand même. Mais non, mais je suis pas radin, moi. Je suis con. Mais tous les deux, carriole. Chut. Non, mais je suis. Qu'est-ce que j'ai dépensé dernièrement? Je vais lancer un sondage. Est-ce que vous trouvez que Romano est radin ou très radin? Non, mais c'est l'image qu'on vous donne. Vous votez radin ou très radin? Moi, je vote très radin. Il n'y a pas très, très, très, très radin. Il y a pas. J'aurais pu mettre très, très, très, très radin. Monsieur Difool, il dit ça, mais dans le genre pince, il est pas mal non plus, quoi. Ouais, moi, je comprends Romano, car il fait des économies. La vie est tellement chère et on se fait tellement escroquer. Vive Romano, c'est le message. Oh, t'as vu ce beau message du De toute façon, j'ai envie de te dire, je ne sais plus qui avait dit ça, sans doute un grand philosophe. Oui. Si tu baisses pas le système, c'est lui qui te baise. Oh là, ah bah j'ai décidé de le baiser un petit peu, tu vois, de magouiller pour m'arranger la vie. Le grand philosophe Renaud avait dit ça. Ah, c'était Renaud qui a dit ça. Voilà, je suis tellement radin que je n'envoie pas de SMS, mais j'écris sur l'application. Bah, c'est fait pour aussi, elle est gratuite, t'as raison. C'est Zboubi du 90, 28 ans. Salut à toi, Zboubi. Non, mais pourquoi payer quand tu peux t'arranger que ça soit moins cher ou carrément gratuit? Ouais, ça, oui. Le Kosovar, je suis radin pour ma meuf. On parle des radins parce que Danny Boone, il sort le film Radin aujourd'hui. Ouais. Et donc, on voulait en parler. Je suis pas radin, je suis juste économe. Ah, ça, c'est bien une phrase de gros radin, ça. Je suis pas radin, tu l'as dit combien de fois, ça? Je suis pas radin, je suis économe. Mais je l'ai déjà dit ce matin. Il l'a dit, ouais. Merci à Blue qui vient nous envoyer un message. On te salue, Blue. Bon, vous allez pouvoir gagner des cadeaux si vous êtes radin. C'est gratuit sur Skyrock. On va jouer dans un instant à l'invité mystère. Mais avant ça, c'est Danny Boone qui arrive. Il est là. Danny? Voilà, très bien, il est présent, il est prêt. Vous l'avez reconnu? Ouais, difficile de pas le reconnaître. C'est Danny Boone. Bonjour. Bonjour, bonjour Danny. Bonjour, hein, d'abord. Oui, bonjour, j'ai bonjour, dit déjà. Danny, bonjour, Danny. Bonjour, Danny Boone, allez, réveille les Français, c'est parti. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et Danny Boone va réveiller ce matin la famille d'Alain. On va voir comment ça va se passer, le contact va être bon avec le nordiste. Voici Danny Boone et Alain dans le réveil de stars. Allô, oui. Bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour, hein, d'abord. Oui. Ça va? Je n'ai pas à vous rendre compte sur ma santé, ni sur ma façon de vivre. Faut que je te parle. Comment? Ah ben, j'ai chimie, tout le monde y parle chimie. Hein. Il y en a même qui parlent flamand, ici. Ah, il y a une flamme, c'est assez le matin de chimie. N'importe quoi. C'est pas compliqué de parler de chimie. Par exemple, nous autres, on dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, on dit... Il faut que ça sorte de l'eau, là. Oui, mais je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Ben pourquoi? Vous m'emmerdez. Voilà ce qu'il y a. Laissez-moi vous présenter Fabrice Canoli, le plus ancien postier de chez nous. Oui. Monsieur le directeur, bienvenue à Berck. Oui, non, là, non. Là, vous êtes en train de jouer avec moi, hein, et vous m'importunez. Voilà. Mais t'es complètement baboche, tu. Il n'y a pas à être baboche, il y a à être importuné. Et si vous continuez, avec mon portable, j'appelle les flics. Ah, c'est vous qui m'avez fait peur. Je ne vais pas vous faire peur, je vous dis les choses telles qu'elles sont. De toute façon, même si vous m'appelez en appel masqué, eux ont la possibilité de savoir qui vous êtes. Ah oui, oui, c'est Chacotte-Dain. Hein? Chacotte-Dain. Oui. Ça veut dire, allez-y, monsieur le directeur, n'ayez pas peur. N'importe quoi. Mais je suis un peu déçu quand même. Déçu de quoi? À partir de ce soir, on dort plus ensemble. Oh. Oui, non, allez. J'ai pas gardé les cochons avec vous, alors vous ne m'emmerdez plus. J'ai 35 ans, hein. Ah ben, alors, vous êtes un jeune con, alors, à ce moment-là, hein. T'es pas fâché? Mais pas fâché, mais je suis pire que ça. Oula. Hein, parce que vous n'avez pas m'importuné. Vous vous amusez à mes dépens, et j'en ai marre. Oh, sur un autre ton. Oula, attention. Non, mais il va pas, lui. Oh, il va pas, lui. Raccrocher le téléphone. Alain, faut raccrocher le téléphone. Ah, ça y est, Alain, il a réussi. Ah, vous m'importunez. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Oh. Non. Je n'ai pas gardé les cochons avec toi. Vous m'importunez, monsieur. Oui, et si vous continuez avec mon portable, j'appelle la police. Ah, bah, avec le portable. Il a bien fait préciser qu'avec son portable. Est-ce qu'il y a un portable, Alain? Il est équipé, Alain. Il appelle la police. Et à aucun moment, il a reconnu que c'était le film. Non. Des ch'tis, parce que c'était des sons des ch'tis, quoi. Ah, bah, oui. Eh oui. Bah, ça, c'est un ch'ti. Bah, oui. Faut que ça parte bien de là. Ouais, c'est ça. Un, faites un et ça part bien de là. Il faut que ça sorte un de là. Il faut que ça sorte de là, là. Vous avez vu? Bon, vous allez faire le 1 maintenant. Merci, Danny Boone. Merci, Danny. Et bon réveil au radin. Et dans un instant sur Skyrock. Ah oui, gros énervement d'une grosse star. On en reparle tout de suite après le son de Sam Smith dont je vous parlais tout à l'heure, là. C'est bien ça. Et les Naughty Boys. Et les Naughty Boys. On va chanter La La La maintenant sur Skyrock. When you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. I'm covering my ears like a kid. Sam Smith et Naughty Boy sur Skyrock. On écoutait le son qui fait la la la. C'est pas compliqué les paroles, hein. Oui. La la la pour se réveiller à 6h18. Et à 6h18, on va parler d'un gros énervé. Et oui, il est énervé ce temps-ci. Je sais pas ce qui lui arrive. C'est un footballeur mystère à découvrir ce matin. Facile, vous allez voir ça. On en reparle dans un instant. Vous expliquez pourquoi il est énervé. Mais d'abord, il faut nous dire qui est l'invité mystère. L'invité mystère. L'invité mystère. Avec votre PlayStation 4 Slim à gagner, autrement appelé la PS4 Slim, elle est pour vous. Ouais. Ouais. Tous les matins, on vous l'offre. Il faut juste nous dire qui est l'invité mystère, c'est tout simple. Donc vous envoyez au message au 41759 avec l'appli Skyrock aussi, vous nous dites qui c'est lui, qui c'est donc. Qui c'est? Eh ben, c'est un homme, hein. Ah, bonne, oui. T'as bien précisé, précision, parce que bon, oui, oui, ce n'est pas Marinette Pichon ou une des. Non, c'est pas elle. C'est un joueur, bon. Bah, très connu, qui a, il a joué hier soir en plus. Mais oui, il a marqué hier soir en plus. Ouais, c'est vrai, ouais. Il a joué, il a marqué hier soir. Qui c'est? Non, c'est pas Zlatan. Zlatan, c'est plus viril. C'est pas Lucas non plus. Il joue pas en France. Allez, un petit indice que je vous donne. Qui est donc notre invité mystère ce matin? Bonjour. Bonjour. Mmh. Vous allez au 41759 pour nous envoyer le message avec votre numéro de téléphone derrière. Pareil, avec l'appli Skyrock, vous nous envoyez tout ça et dans un instant, on va voir qui s'est énervé contre des, contre son entraîneur déjà. Qui s'est énervé contre des coéquipiers aussi à l'entraînement et qui l'a ensuite insulté les journalistes. Tout ça en quelques jours et en pleine forme. Bravo. Mais qui sait? Allez, vos réponses très vite. Le footballeur mystère et la PS4 à gagner. Allez-y, bonne chance à vous. Attention, dans un instant, on en reparle. Et puis attention, dans un instant, il arrive. C'est Justin, mais Timberlake sur ce coup. Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling. Il est pile 6h20. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10h. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli Radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. 6h-9h. Good morning. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. It's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. That under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When just imagine. But you, when you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Dance. c'est le morning de Default sur Skyrock. Bienvenue si vous venez d'arriver, les 6h23 sur Skyrock. Bon réveil, on va vous offrir dans moins de 10 minutes maintenant 1 500 €. C'est à gagner, c'est pour vous. Ouais. Là, on va passer à la PS4 et on prépare aussi les conseils pas chers de tout à l'heure. Et ce matin, tu vas parler de notre santé. Santé des humains, santé des animaux, la santé de tout le monde. Santé de tout le monde. C'est gentil de t'occuper de nous, Romano. Ça ne sera pas gratuit. C'est important la santé, ça ne sera pas gratuit. Bah, vous y attendez. Bah oui, bah c'est comme quand on va chez le médecin, il faut payer des fois. Mais t'es pas médecin, t'as pas fait d'études de médecine. Tu payes parce qu'ils ont fait plein d'études. Ouais, mais là, non, mais là, je vais quand même sauver des vies, sans doute. Hein. Bah, évidemment. Et les vôtres, peut-être les nôtres. Ah, bah, c'est sûr. Soyez là à 6h40. On va retrouver dans un instant les PNL avec JQLF. JQLF, la famille, c'est le son qui arrive. Mais d'abord, il est avec nous. Il s'appelle Romain et il vient de Toulouse. Bonjour, Romain. Salut, Romain. Salut, salut. Salut. Eh ben, écoute, ça va bien, Romain. Nickel, comme tu dis. T'as 26 ans, tu fais quoi dans la vie, Romain? Je travaille dans le bâtiment. Dans le bâtiment, t'es déjà en train de bosser ou pas encore? Pas encore. Non, là j'arrive au dépôt là. Ah ouais, déjà, très bien. Ouais. Eh ouais, prêt à bosser, bon courage. Il va te dire merci, bonjour, merci. C'est notre invité mystère. Bonjour. Bonjour. Qui c'est notre invité mystère? Vous avez peut-être reconnu son rire, moi je l'aurais reconnu avec le rire. Peut-être pas avec le bonjour n'était pas facile. Hein. Alors Romain, qui c'est l'invité mystère ce matin? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le joueur de foot le plus énervé moment. Après s'être énervé contre Zidane parce que Zidane l'avait sorti, Cristiano Ronaldo lui avait lancé un regard, il n'était pas content d'être sorti. Oh, c'est ça qu'il aime pas sortir du terrain. Eh ben il s'en est pas remis parce que hier entraînement et pendant l'entraînement, alors il en a fait subir de bien belle à Gareth Bale et à Karim Benzema. Les journalistes aussi en ont pris pour leur grade. Pour leur grade, comme on dit. Ouais. Exactement. Et pas seulement, le ballon également, le ballon l'a énervé. Tout l'a énervé hier, Cristiano Ronaldo. Pas content. Je vais tout vous raconter, mais d'abord, Romain, on t'annonce officiellement, en direct, à 6h25, sur Skyrock, que tu as gagné ta PS4 Slim, ça bravo. Y est. Bravo. Bravo. Merci, et voilà, juste avant d'embaucher, ouais. T'as gagné, ouais. T'as gagné le premier cadeau du morning, il est pour toi. Pour je l'allume. C'est cool, merci. Oh, qu'elle est belle, ta PS4 Slim. Oh, je la rallume. Oh, oh mais elle est belle, la PS4 Slim. Oh, là, là. Oh. Est belle. Bon, on va te l'envoyer avant de la casser. On t'envoie ça à la maison. Romain, bien joué, bravo à toi. Puis bah, bon courage hein, dans le bâtiment. Merci. Bon courage, l'équipe. Ciao. Salut à toi. Ciao. Salut. Et donc, que s'est-il passé? Parce qu'on sait tout, on s'est renseigné. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr, on a mené l'enquête. Oui, premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Ah, la musique du foot, la musique du foot, pas la musique du D-Fool, la musique du foot, papa. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, d'abord, il est arrivé, il était énervé, il a acheté son sac parce que ça l'énervait. Je sais pas pourquoi, mais il était énervé contre son sac. Après, il a critiqué les journalistes, parce que les journalistes étaient trop nombreux au bord du terrain. Et ça, Cristiano Ronaldo, hier, fallait pas lui faire, était énervé. Donc, il a vu les journalistes, il s'est mis à faire un petit cri sympa comme tout. Si bon, là, ils ont compris qu'il fallait s'en aller un peu. Bon, après, je sais pas, le ballon lui arrive sur la main, ça l'énerve, il prend le ballon, il le shoot dans les tribunes. Bam! Finit le ballon en poussant son cri célèbre. Si voilà. Après, il voit encore des journalistes alors qu'ils étaient trop nombreux et qu'il leur a demandé de sortir. Il leur dit fils de pute. Oh, tout simplement parce qu'il était énervé. Il était énervé et il a même dit la phrase exacte. Il veut que je sois bon, c'est fils de pute, en regardant tous les journalistes qui faisaient une tête pas possible. Héros des putains. Je vous ai entendu, mais il dit on a entendu un petit putain. Un petit héros des putains à la fin. Hein. Et pour finir, bon, il s'est entraîné. Il a fait deux tacles. C'est ce que c'est un tacle. C'est non. C'est quand t'arrives avec ton pied pour prendre la balle de l'autre, mais parfois il y a la jambe à la. C'est quand il glisse là sur. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Deux tacles contre Gareth Bale et Karim Benzema. Les deux qui lui ont jeté un regard noir, qui l'ont regardé, mais genre, qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Et là, Cristiano Ronaldo a répondu. Si oula, qu'il est pas content. Oula, et Gareth Bale et Karim Benzema bon, ont baissé la tête et ont laissé Cristiano Ronaldo. Ouais, il était à bout de nerfs hier. Je sais pas ce qui lui arrive. Si il est énervé, Cristiano Ronaldo. Ça lui arrive souvent, ça lui est arrivé, la Coupe d'Europe, là. Ah oui, ah c'était énervé avec, aussi. Avec le journaliste, il faisait une promenade au bord du lac. Comme et le journaliste, il vient lui poser une question avec le micro. Et Cristiano Ronaldo, il avait pris le micro, il l'avait jeté dans le lac. Non, mais apparemment, ce journaliste, il avait mal parlé sur lui avant. C'est pour ça qu'il avait fait ça. Voilà, parle mal, le micro dans la flotte. Voilà, parle mal, plus de micro après. Terminé. Ah, moi, je préfère Cristiano Ronaldo quand il chante, moi, comme ça. Quand il est de bonne humeur dans sa voiture. Elle était de bonne humeur, vas-y. Elle était de bonne humeur, elle est parfois d'humeur amoureuse. Amor mio. Ça, c'est Cristiano aussi. Ah, je préfère comme la première, tu vois. Ouais, moi aussi. Elle était plus rythmée. Limite, je préfère PNL là maintenant. Oui, aussi, oui. Un petit PNL le matin, c'est mieux que Cristiano. Pourtant, c'est quand même Cristiano Ronaldo. Hein. Ouais. Allez, bah, Cristiano, calme-toi. Cristiano, t'as marqué en plus hier soir. Ils ont fait deux partout, le Real contre le Borussia Dortmund. On reparlera foot, tiens, dans un instant avec les infos de Rémi. Et tout de suite, eh ben, je le disais, PNL, c'est mieux, hein. Allez, je suis QLF, le son de PNL sur Skyrock, comme promis, avant les infos de 6h30 à 6h28. Et puis les 1500 euros qui arrivent aussi, hein, 1500 euros, si vous répondez Skyrock. Allez, on se réveille tout tranquille avec PNL et un extrait de leur album sur Skyrock. Voyage, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaque elle taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le scène. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. Demande à ta sœur. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville on a vie. La jungle elle s'en voit ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chien. Le majeur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaque est taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaque est taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Putain, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. T'étais FIGT, TMZ et bezos. Même adresse, personne ne nous inquiète. T'entends le vide, vois le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaque est taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Full, faudrait revenir. Excusez-moi, je me prenais un café. Ouais, moi j'étais même pas rendu compte que ça se terminait, moi. Non, il était en train de planer, Romano, il planait en écoutant. Ah, j'étais à 3000 là. Mais non, avec les bras, ouais, j'étais loin là, loin. Bon, moi j'étais en train de me battre avec la machine à café. Bah, étonnant. Bon café à vous, bon réveil à vous, bonne journée. Il est 6h31 même précisément. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un instant? Oui, les conseils pas chers. On en a parlé, on va parler santé dans les conseils pas chers. Ouais. C'est une question à poser à tout le monde. Attends, oui, j'avais une question. Alors, je la retrouve. Une petite question. Quelle est la dernière maladie que vous avez eue? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je sais tout, j'arrive à lire dans le cerveau chauve de Romano. Le fait qu'il n'y ait pas de cheveux, ça me permet de voir à l'intérieur. C'est quand même bien pratique. Donc, quelle est votre dernière maladie que vous avez eue? Je sais pas, moi, j'ai connu plein de gens qui avaient une crève. Ah, il y en a plein, ouais. J'en ai eu une, moi aussi, vous rappelez. Hein. Ouais. Je vais pas trop parler parce que j'aime pas me plaindre, mais. Non. C'est pas trop mon style. Pour les vacances. Bon, on s'occupera du sondage du jour. On en reparle dans un instant, tiens. Et un sondage du jour qui te concerne, Romano. Et puis du son à écouter. 21 Pilots qui arrive tout de suite. DJ Snake avec Justin Bieber. Et du soprano et des infos maintenant. C'est Rémi. Avec le point sur l'actu. Yep. Rémi. Une grippe, tiens, pour Skyman. C'est quoi ta dernière maladie? Tu te crèves? Moi, oh, ça fait très longtemps, dis donc. Une déformation faciale. Non, une gastro, je crois. Ah, ça fait gastro. Au moins 2 piges, hein, 3 piges même. Mais t'as pas eu de rhume ni rien? Je ne suis pas malade, cher ami. Je fais attention. Je suis un corps. Fais attention, t'as beau faire attention, ouais. Tu tombes malade. Non, il est malade. Quand tu passes derrière les toilettes, je t'assure qu'il est malade. N'importe quoi. Ah, si. C'est la gastro qui continue. Il est très très malade. C'est justement parce que j'évacue bien et que j'ai un bon transit que je suis en bonne santé. Et ben voilà, les bons conseils de Rémi pour être en pleine forme. Passer 5 heures par jour aux toilettes. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Faut avoir le temps, hein, mais bon. Hein. Allez, Rémi, c'est parti pour les infos. La météo pour ce mercredi déjà. Bah, oui, déjà. Mercredi 28 septembre. Non, bon, ça reste couvert ce matin dans le nord du pays. Grisaille par endroit des Hauts-de-France à la Normandie en passant par le bassin parisien et les pays de la Loire, ça va s'améliorer au fil des heures et finalement le soleil va s'imposer partout, voilà le ciel bien dégagé aujourd'hui, donc un bon mercredi en perspective. Les températures stationnaires ce matin par rapport à hier, entre 10 et 18 grosso modo, 16 en Ile-de-France. Ça va monter cet après-midi principalement dans le sud et ce sera encore plus chaud demain. D'ici là, il fera entre 20 et 29 degrés et puis la pollution c'est bien sauf dans le sud-est, les indices compris entre 3 et 4, 5 à Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Toulon. C'est marrant tous les messages, j'ai plein de maladies qui défilent et puis j'en en a qui sont comme toi, Rémi. Nick Taz qui dit, moi je suis jamais malade. Nick Taz, 24 ans, bah t'as de la chance. Même pas un petit rhume, rien. Dis-nous, Nick Taz. Allez, le point sur l'actu, c'est parti. L'actu et le sport, bien sûr. La disparition de Shimon Peres cette nuit dans son sommeil. L'ancien président et premier ministre israélien est mort à l'âge de 93 ans. Il avait été récemment victime d'un AVC. L'histoire retiendra l'accord d'Oslo conclu avec les Palestiniens qui lui avait valu le prix Nobel de la paix en 94. François Hollande salue ce matin la mémoire d'un des hommes d'État les plus illustres. Un petit carnet qui pourrait causer de grands soucis. Le site d'info Mediapart affirme qu'un cahier est en la possession de la justice. Il appartiendrait à un haut dignitaire libyen et démontre que Nicolas Sarkozy aurait reçu 3 versements pour sa campagne en 2007. Cela représenterait une somme de 6,5 millions d'euros. Le propriétaire du carnet est mort dans d'étranges conditions il y a 4 ans. L'ex-chef de l'État a toujours démenti un financement de sa campagne par le régime de Muammar Kadhafi. Un nouveau concept inventé par Europe Écologie Les Verts. On en parle moins, mais le parti est également en pleine primaire. 4 candidats sont en lice, dont Cécile Duflot. Un premier débat a eu lieu hier et les 4 participants se sont montrés d'accord sur tous les sujets. Ils admettent que c'est la personnalité qui les départagera et non pas le programme qui se veut commun. Deuxième jour du procès de la chemise arrachée à Bobigny en région parisienne. Pour l'instant, les témoignages sont fragiles à cause de la cohue qui régnait le jour du comité d'entreprise d'Air France. Le DRH avait été pris à partie et s'était retrouvé torse nu, entouré d'un service de sécurité débordé. 15 personnes sont jugées dans cette affaire. La Champions League maintenant, la première journée de la deuxième journée. La deuxième, ouais. La première journée de la deuxième de journée, on va dire. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Parce que ça rejoue ce soir. C'est le premier match, on va dire comme ça. Soirée en demi-teinte pour les clubs français. Lyon s'incline 1-0 contre Séville et se trouve désormais à la troisième place de son groupe. Monaco concède le nul, un but partout, in extremis contre le Bayer Leverkusen, mais conserve quand même la tête de la poule. On va voir si Paris fait mieux ce soir en Bulgarie, à Sofia précisément. PSG, Ludogorets, coup d'envoi à 20h45. Rendez-vous pour suivre tout ça avec toute l'équipe de la Radio Libre dès 21h. Dans les autres matchs d'hier, le Real a été accroché 2-2 par le Borussia Dortmund, malgré un but de Ronaldo et un autre de Raphaël Varane. La Juve a collé un beau 4-0 au Dynamo Zagreb. Ouais, 4-0, c'est pas mal. Ah ouais. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 7h. Il est 7h35, c'est l'heure de vous offrir de l'argent maintenant. 1500 euros à gagner. Le Morning de Difool toute la semaine de 6h à 9h sur Skyrock. Et oui. Dans un bel état. Non, ça va, nous, on est dans un bel état ce matin. Content d'être avec vous. Bah content oui. De vous réveiller. J'espère que vous allez bien. Sinon, on va tout faire pour que ça se passe bien. On a du bon son. On a des conseils santé aussi à vous donner ce matin dans les conseils pas chers. Ça te donnera l'occasion, évidemment, Romano, de gagner un petit peu d'argent. Et de soigner la planète. Surtout. Bah, bien sûr. Tu le fais évidemment pour ça. Bah, je ne fais que pour ça. Vous le connaissez. Il est tellement généreux, hein. Et justement, un sondage du jour qui te concerne, parce que tous les matins, juste avant 7h, on découvre le sondage du morning. Et aujourd'hui, on va parler des Français radins. Ah, ça y est. Eh bah, ouais, c'est la sortie du film. Je suis pas radin, je suis économe. De Danny Boone, radin. Vous avez vu, ça, c'est les radins, ils ont tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a sorti la phrase. Tu te fais piéger, Romano. Non, mais je sais ce que je suis. Donc, si vous êtes des radins, si vous êtes ou radin ou économe, parce que vous êtes dans la dénégation totale de votre radinerie, eh bien on en parle avant 7h du matin. Et puis donc une petite question qu'on vous posait, on a plein de maladies qui défilent depuis tout à l'heure. Je salue Aurel, la classe, Aurel, la chiasse, ça arrive. Eh ben ouais, ça arrive. Une ça. Petite courante. Oui, un mal de tête horrible. Zach nous dit un mal de gorge. Le chikungunya. Mon Dieu, c'était l'horreur en Martinique. Ah, t'as chopé ça. Arnaud du 37, 17 ans, il a chopé le chikungunya. Moi, je suis jamais malade. Bah, c'est comme moi, hein, toujours là, même quand je suis très très malade. Mais bien sûr. J'avais eu une très très très très grave maladie en ce début d'année. Le rhume. J'avais eu un rhume carabiné, mais un truc hallucinant. Hein. Ah ouais. Je vous en parle pas. Non, merci, ça a duré les vacances. Parce que je suis pas du genre à me plaindre. Bon, on y revient tout de suite. Tu mates les messages. Bon, pour le moment, j'ai pas vu la maladie dont je vais vous parler. Ah, c'est une maladie spéciale. Il vaut mieux d'ailleurs. On salue Cédric avec sa clavicule d'ailleurs, qui nous écoute peut-être. Il va se faire opérer aujourd'hui. Ouais, Cédric. Ça y est, c'est grand jour. Donc notre Cédric se fait opérer aujourd'hui. On l'aura ce soir, j'espère. En direct de sa cage dans la clinique vétérinaire porcine. On l'a emmené. Il reste à la clinique ce soir, donc on l'aura ce soir en direct de la clinique. Bah, ils vont le mettre dans sa grosse cage. Très bien. Et ben, on lui passera un coup de fil entre 21h et minuit, une nouvelle de Cédric. Bon, allez, les maladies, on y revient. Les 1500 euros, on y va tout de suite. C'est parti. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant. Des 1500 euros. Alors, la localisation du gagnant des 1500 euros, c'est dans l'enveloppe. Et je vous annonce qu'on va aller pour le premier coup de fil de ce mercredi matin à Nantes. Si vous nous écoutez à Nantes, vous allez peut-être gagner 1500 euros avec Skyrock. C'est facile. Il suffit de répondre Skyrock. Quand on vous appelle, on appelle la famille Hougron. La famille Hougron. Romain Hougron a été tiré au sort. Bonne chance, Romain. Bonne chance, les Hougrons. 1500 euros. Allô, allô. Allô. Monsieur Romain Hougron. Oui. On est bien à Nantes. C'est ça. C'est bien. Nous, on est bien à la radio. J'allais donner le nom de la radio. Comment Salut Romain. Tu nous écoutes? Ah, bah parfait. Hey. Ah, bah, écoute, on va te poser la question alors, puisque tu écoutes, Romain, écoute bien ma question. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et c'est gagné. Bravo. Et voilà, bravo. Premier gagnant ce matin. Bonjour Romain. Bien joué. Il a gagné. Champion. Ouais. Romain. Bien joué. T'es à Nantes. T'as quel âge, Romain? 24 ans. Il a 24 ans, il est à Nantes, il écoute Skyrock et on l'entend derrière d'ailleurs. Et ben tu mérites de gagner tes 1 500 euros, Romain. Bravo. Bravo à toi. C'est un plaisir. Bien joué. Bien joué. Bravo, champion. Et à part avoir 24 ans et être à Nantes, tu fais quoi dans la vie, Romain, qu'on te connaisse un peu plus? T'es boulanger. Boulanger. Ah bah ouais, de lever tôt alors. On salue les boulangers, ils sont pleins, vous êtes plein à nous écouter les boulangers le matin. Et ben tu mérites avec les collègues derrière là? Ouais. Alors quelle tête ils font les collègues, ils ont compris? Ils font la gueule? Ah, ils sont pas encore là. Ah, ils sont pas encore là. Je vais les voir après. D'accord, oui. Tu vois, à mon avis, aujourd'hui, tu vas payer ton coup, toi. Ouais, je pense, Ah, la petite tournée, ouais. Oui. Je pense. Et avec un peu de chance, tu tireras aussi ton coup parce que 1500 euros, ça peut exciter la femme. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est vrai. Eh bien, bravo, Romain. Le chèque arrive à Nantes. Ça fait plaisir. Un Nantais qui gagne pour démarrer la journée sur Skyrock. Et c'est pas fini puisqu'on va continuer à vous offrir des chèques toutes les demi-heures. C'est comme ça tous les matins dans le morning. Toutes les demi-heures, 1500 euros à gagner. Bonne chance, Romain, pour cette belle journée. Mais, a priori, la chance est avec toi aujourd'hui. Hein. Continue comme ça, c'est cool. Eh ben merci. Tu fais quoi avec tes 1500 euros? On en parlait. Remettre les comptes partout. On a eu ça aussi pas mal hier. Ah, boucher les trous, ouais. Hier, on vous a demandé ce que vous feriez avec les 1500 euros. Il y a eu pas mal de comptes à remplir. Ouais. C'est ça. Ah, des trous à combler, comme on dit. C'est ça. Bon, bonne journée à toi, Romain. Raccroche pas. Voilà, le chèque arrive très très vite à la maison. Salut le boulanger. Et salut la boulange. Ciao. 6h40 sur Skyrock. Tifoul t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm boring, so I'm taking my time. I'm on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you. But then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. L'étoile One Pilot sur Skyrock, on écoutait Ride, il est 6h43, on prépare Soprano avant 7h et DJ Snake et Justin Bieber qui arrivent avec Let Me Love You. On salue les enrhumés qui nous écoutent, bonjour à Kéla, salut à toi Kéla. Petit rhume, c'est sa dernière maladie, on vous a demandé quelle était votre dernière maladie. Ah, Kéké de la place, alors Kéké de la place, lui il a une flémagite aiguë. Ah, ça arrive. Ça me fait penser aux profs, ça, ils ont toujours... Oui, vous avez la flémagite aiguë. Ouais, oui. C'est quand ils sont pas contents de notre travail. La flémagite aiguë, ça marche. Et puis on salue ceux qui sont jamais malades, parce qu'il y en a qui nous ont laissé des messages, jamais de maladie. Tu feras pas des affaires avec eux ce matin, Romano. Hein. Non, mais. Tamara, elle est jamais malade. C'est pareil. Rien de rien, là. Rien de rien comme maladie. Iron Man du 63. Lui, il est juste malade une fois par an. C'est tout. Jamais malade également pour Dimitri. Salut Dimitri, le jamais malade. Et sinon, un rhume. Mal de tête à cause de ma femme, mais c'est pas une maladie, c'est de sa faute. Il faut prendre des vitamines, message de Cortès. Romano, ce matin, tu es arrivé avec ta petite blouse blanche. Oui. Tu es déguisé en infirmière. En docteur. Ah pardon, excuse-moi. Je suis docteur. Je faisais penser à une infirmière. Je suis le docteur Lapince. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la rage. Alors vous rigolez, mais moi j'ai des potes, c'est des rageux. Ouais, ouais, il y a des rageux. Je vais faire attention, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Attention, la rage peut encore sévir. Oui, on est vacciné contre la rage. Logiquement, oui. Logiquement, ça se fait un truc qui se fait quand t'es tout petit. Et après, c'est fait pour toute la vie. Je crois. Eh ben, écoute, j'espère, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il suffit que vous croisiez un renard, par exemple. Vous êtes dans la rue, vous attendez le bus pour aller au bahut ou pour aller au boulot. Vous allez sortir. Un renard arrive. Il est là et vous fait. Maître renard. Bah après vous chopez la rage, parce que les renards ça a beaucoup la rage. Et ouais, faut faire attention, mais ça peut arriver à des chiens, des chats et même à des humains. Eh ouais, attention, eh ben pour lutter contre ça, pas de problème, ce matin j'arrive avec mes piqûres. Je vais vacciner les familles contre la rage. Je vais dire qu'il y a un animal errant dans le coin là et qu'il est soupçonné d'avoir la rage. On va voir ça, Romano, tout de suite. Allez, c'est parti. C'est le rendez-vous des conseils pas chers. Tu cherches ton portefeuille ? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, on appelle donc les numéros qu'on a pris complètement au hasard parce que tout le monde peut être touché par la rage. Ouais. Hein, au cas où vous croisiez un renard ou un furet. Les furets, ils ont la rage aussi. Fais attention. Ouais, mais sur toutes les bestioles dans les forêts et tout ça. Méfiez-vous. Romano, ouais. C'est le vaccin anti-rabic, c'est ça? Ouais. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ouais, parce que nous, notre chien, on le fait vacciner tous les ans. Les chiens, c'est tous les ans. Mais je crois que nous, c'est tous les 10-15 ans, en fait. Quand on refait tout ça, les rappels de tout. Ah, donc si on s'est fait vacciner quand on était petit, ça veut dire qu'on peut avoir la rage maintenant? Ouais. Ah, bah tiens, faut faire ces rappels. Faut que je fasse attention. Hein. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de rappels. Hein. Je suis médecin, donc laisse-moi faire mes diagnostics, s'il te plaît. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est le centre anti-rabique à l'appareil. Oui. Oui, vous savez, pour la rage. Oui. Oui, on a détecté un animal suspect près de chez vous, là. Et je voulais savoir si vous étiez à jour niveau vaccin. Moi, oui, pas de problème. Écoutez, je vais quand même venir vérifier. Vous êtes combien dans la famille? Ah, on est une boulangerie, là. Ah, vous êtes une boulangerie? Parfait. Bah, je vais venir vacciner tout le monde. D'accord. Donc... C'est 50 euros par personne. Ouais. Ouais, parce que vu que c'est un cas de force majeure, c'est un peu plus cher que la normale. Donc vous inquiétez pas, j'arrive, je fais grrrr. Vous l'aurez écrit, il arrivera vers vous, il fera grrrr. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Comme ça, et après, pique dans tes fesses. Voilà. Ah oui. Et il y a une opération que tu pourrais faire ça au client, tu leur vends une baguette et en plus un vaccin pour la modique somme de... 60 euros, du coup la baguette tu prends 10 euros. Moi je prends 50 balles pour mon vaccin et puis tout le monde est content. Je vais installer un petit stand devant la boulangerie. Ah mais il t'attend je crois. Ah bah ça y est, c'est parti, il est parti se mettre cul nu. Je pense qu'il est parti l'annoncer aux collègues. Et peut-être même aux clients. C'est possible, j'espère qu'il va mettre une pancarte. Et ben voilà Romano, c'est fait, déjà un client à 50 client. Euros, une boulangerie entière. Et en plus une boulangerie entière. C'est qui là? Là c'est Michel. Michel. Un animal bizarre qui se balade. Ouais. Non, c'est Eric. Ouais, c'est Eric. Ouais, mais c'est quoi cette histoire là? Mais un peu de calme, Eric. Pourquoi un peu de calme? Je comprends pas là. Ah bah, qui, là vous allez vous calmer tout de suite parce que je suis quand même le médecin, moi, du centre anti-rabique. Du centre anti-rabique. La rage. La rage. Grrr. Parce qu'on a, vu un animal suspect près de chez vous et on a des doutes sur le fait qu'il ait la rage. Est-ce que vous avez fait votre vaccin, vous, au moins? Le vaccin contre la rage. Ah, il a peur, il fait moins le malin là. Parce que l'animal rôde. Qu'est-ce que c'est? C'est l'animal. Ah, c'est l'animal, c'est lui qui a la rage. Ah ouais, ouais, c'est terrible. Ah oui. J'espère qu'on a bien prévenu les médecins qui vont opérer Cédric aujourd'hui. Ah oui, Cédric a la rage. Ouais, j'ai la rage, grrr. Et la rage, tu le vois quand tu baves, et Cédric ouais. bave souvent, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, un gros mais, baveur. Mais est-ce que, genre, quand t'as la rage, pardon, tu c'est comme dans les films, tu mords les gens à côté de toi, tout. Ouais, ouais, mais bien sûr. Mais tu te transformes en loup-garou, t'as les oreilles qui poussent. Et t'as surtout la queue qui pousse au niveau de l'anus. T'as une queue qui pousse derrière. Ouh, attention. Le rêve, Cariole, hein. Ah ouais. Pour faire plaisir à Cariole, Romano. Ah bah allez. Ah, chope-toi une petite rage. Une petite rage tranquille. Avec une queue qui pousse derrière. Bon, bah écoutez, on rigole, mais il y a un message qui nous arrive de foi, là, dans le 09. Mm-hmm. On a été évacué un jour parce que l'animal errant traînait dans le quartier. On pensait qu'il avait la rage. Tu vois, donc t'as raison, Romano. Ah ouais, faut se méfier. C'est la journée mondiale contre la rage. Grrr. Bon, et ça commence pareil, comme rage, c'est radin. Radin. On va parler des radins, c'est le sondage du morning qui arrive. Sur quoi les Français sont radins? On va découvrir tout ça. Et vous aussi, est-ce que vous avez des petits trucs de radin, des petits réflexes de radin? Je sais pas, par exemple, faites comme Romano, prenez pas de douche le matin, vous économisez de l'eau. Et en plus, vous êtes un bon écolo. Ah non, mais c'est même pas, c'est que ça me fatigue de me laver le matin. De toute façon, toutes les raisons sont bonnes pour faire des économies. Là, c'est même pas les économies, c'est que je me sens pas de me lever avant pour me laver. Est-ce que tu prends un café chez toi le matin avant de partir? J'ai pas le temps. Ouais, puis surtout, il y en a des gratuits à la radio. C'est ça? C'est bah, ça. De toute façon, ceux de chez moi, c'est ceux de la radio, donc. Ah oui, parce qu'ils les volent. C'est ça, les radins. Donc, je pourrais en boire un. Hein. Allez, on en reparle dans un instant sur Skyrock, le sondage du morning, et puis tout de suite, votre horoscope de l'amour. Il arrive dans une minute, l'horoscope de ce mercredi. C'est parti. 10h49. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation bon marché plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kg, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. En ce moment chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Et l'horoscope de l'amour à 6h50, c'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Alors, place à l'amour maintenant avec votre puissance amoureuse. Notre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Les vierges et les poissons aujourd'hui, 0. Vous aurez tendance à vous inquiéter pour rien. Vous êtes limite parano aujourd'hui. Un conseil pour que ça se passe mieux pour votre journée, restez zen. Et ça devrait le faire. 1 pour les capricornes et les scorpions. Voilà. Vous direz ce que vous pensez aujourd'hui. Mais ça, on est comme ça, on est francs, nous. Hein. Capricorne, en plus, je suis ascendant scorpion, moi, aujourd'hui. Donc, je vais vous dire vos 4 vérités aujourd'hui. Attention, que ça plaise ou pas, ça a un peu d'importance pour vous. Vous direz tout ce que vous avez sur le cœur. 2 sur 5, les lions et les verseaux. Célibataires, ne vous emballez pas trop vite aujourd'hui, vous risquez d'être déçus. Et pour les couples, prenez un peu de temps en plus pour votre partenaire, ça lui fera plaisir. 3 sur 5, les taureaux et les gémeaux. C'est une bonne journée, vous allez prendre soin de vous aujourd'hui et vous avez de la chance parce que les autres prendront soin de vous. Les taureaux et les gémeaux, vous avez 3. 4 sur 5, bélier, balance. En couple, une histoire qui a bien démarré, c'est votre histoire d'amour. Une histoire qui continue bien aussi et qui va prendre encore plus d'importance aujourd'hui. C'est bien pour les couples, c'est bien pour les célibataires. Une journée favorable à une belle rencontre, bélier et balance. Et 5 sur 5, les meilleurs, il nous reste les sagittaires et les cancers. Une journée de franc succès sur le plan affectif. Il est possible qu'on craque sur vous aujourd'hui. Vous avez de grandes chances que ça vous arrive. Cancer, sagittaire, 5 sur 5. Au top. Allez, après l'amour, place au radin sur Skyrock. On en parle juste après le son de DJ Snake avec Justin Bieber à 6h51. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. DJ Snake et Justin Bieber, Let Me Love You sur Skyrock. Soprano arrive avec En Feu. Ah, ça va nous mettre en forme ça encore ce matin. Soprano pour se réveiller, on aura du Drake, on écoutera ça tout à l'heure. Mais pas c'est pas tout, puisque maintenant on va s'occuper du sondage du morning. Le sondage du morning sur les radins. Économe. Sorti du film Radin. Économe. Tiens, Romano, j'ai résultat du sondage express que j'ai lancé tout à l'heure sur toi. Ouais. J'ai fait un sondage express sur Romano tout à l'heure à 6h du matin. Je vous ai demandé, est-ce que vous trouvez que Romano est radin ou alors très radin? Eh bien, tu sais que tout le monde pense que tu es radin ou très radin, Romano. Bah, ça me fait de la peine parce que vous me connaissez vraiment mal. Oh. Alors, Romano est radin à 58% et très radin à 42%. Ouais, bon, de toute façon, ouais, en même temps, toutes tes propositions, j'étais radin. Donc, c'est mon sondage, on fait ce qu'on veut dans donc les sondages. Donc, je suis à 100% radin, quoi. C'est ça. J'ai inventé un sondage, t'es à 100% radin, et c'est écrit dessus. Ah, bah voilà. Bon, ça, c'était ton sondage express spécialement pour toi, Romano. Et maintenant, le sondage du jour sur tous les Français. Écoutez. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Est-ce que les Français, on est des pinces? C'est la question qu'on s'est posée ce matin et on a maté sur le sondage du jour. Qu'est-ce que ça donnait? C'est pas réjouissant, réjouissant. Hein, ah ouais? Alors? Pas réjouissant, réjouissant. Trois questions ont été posées. Si on vous rend la monnaie et qu'on fait une erreur en votre faveur, est-ce que vous le dites? C'est la première question. Est-ce que vous aimez donner un pourboire? C'est la deuxième question. Et la troisième question, est-ce que si vous offrez un cadeau d'anniversaire d'occasion mais moins cher et que ça se sait pas, vous le faites ou pas? Les trois questions ont été posées en français. On va commencer par la dernière question. D'après vous, quel est le pourcentage des Français qui a répondu oui, je préfère offrir un cadeau d'occasion moins cher, à condition que ça ne sache pas? Je pense que c'est pas mal parce que on en a déjà parlé, genre à la période de Noël, il y a beaucoup de gens maintenant qui font ça, qui achètent des cadeaux d'occasion. Oui. Je dirais 35%. Pas plus. Eh bien, tu dirais plus, Carole, t'as raison. 70% des Français préféreraient offrir un cadeau d'anniversaire moins cher ou un cadeau moins cher si ça ne se sait pas et il est d'occasion. Ah bah, à part ça, c'est moi le radin. Bah, écoute, t'aurais répondu oui. Ah bah oui. Bon bah t'es donné 70% de radin. On passe à la deuxième question, le pourboire. Quel est le pourcentage des Français qui préféreraient ne jamais donner de pourboire? Plus de la moitié, je dirais. Bien vu, Carriol. 80%. Ah non, faut pas exagérer, 54%. Qu'est-ce que ah tu portes ce matin? 54%. Ouais mais attends, t'es pas précise. Tiens, Carriol, tu vas donner un nombre, elle dit oui ou non. Il est pas content parce que t'as trouvé. Ouais, c'est ça. Donc 54%. C'est bien de donner un petit pourboire, ça fait plaisir. Bah ça dépend. Si, ah, si tu vas chez le coiffeur, c'est bien fait, tu fais un petit pourboire. Ah, chez le coiffeur. Ah non, mais là, vous n'avez pas de coiffeur, ça va, tu les payes déjà. Bah oui, mais tu payes tout. Et dans ce cas-là, tu donnes jamais de pourboire. Non, mais à la limite, t'as serveur, tiens, le mec, ouais, il se déplace et tout. Et attention, dernière question. Coiffeur, pour ce que j'ai à couper, j'ai pas de chance pour moi. Non, mais c'est vrai que pour toi, j'ai pas choisi le bon exemple. Bah, donc, désolé. Pourcentage des Français qui ne le disent pas quand il y a une erreur de monnaie en leur faveur. Par exemple, t'achètes du pain. 100%. Tu donnes 10 euros, ils t'en rendent 50. 90, ouais. Ah, vous êtes grave. Ah, moi, je dirais 100, moi. Ouais, eh ben non. 60. Il y a des gens honnêtes. Putain, Carriol, 60 piles. C'est vrai? 60% des Français. Mais c'est hallucinant, elle a pas la feuille. Mais non, elle a pas de feuille. Ne dirait pas s'il y avait une erreur de monnaie en leur faveur. Ah ouais. Bah, moi, je le dis, moi. Ah, bon, moi, je dis rien. Et là, tu vas dire, oh, bah, t'es bien con, dit fou, là. Ça, c'est clair. Ah, ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tiens, et au niveau des pourboires, sachez que les touristes français sont les plus radins au monde. Ah ouais. Il y a les Allemands aussi, hein, qui sont pas mal. Parce que les Allemands, ils vont carrément pas au restaurant, donc. Ah, bah, y a pas de problème de pourboire. Y a même pas de problème d'addition. Ah, y a aucun problème. Mais vous regarderez quand vous. Sérieux, les Allemands et les Hollandais, souvent. Bonjour, bonjour, monsieur Romano. Si vous les croisez quand ils sont en train de décharger leur voiture, quand ils arrivent en vacances, ils amènent leur bouffe. On est des gros radins. Ah, j'amène les cagettes. On est des très très gros radins. Les cagettes et les cagettes de bouffe. Bon, les Français sont radins. Voilà. Et le film de Danny Boone avec radins, ils sont aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Juste pour ça qu'on a parlé de tout ça. On aura d'ailleurs Danny Boone dans le réveil de Star tout à l'heure. Il va réveiller les Français. Et là, il va nous réveiller. Il réveille la France sur Skyrock. La France de Sky est réveillée par Soprano, qu'on trouve tout de suite. C'est En Feu. Et puis vos 1500 euros. Ah, ça va nous mettre en feu, ça. C'est à gagner. Juste après Sopra, les infos et les 1500 euros qui arrivent. On vous souhaite bonne chance d'avance. 6h58. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Je suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuit car. Je suis en feu. Sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, rien de. Si tu me parles, rien de. Si tu me touches, rien de. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu.

trafic d'influence. L'ex-patron de la PJ parisienne, Christian Flèche, a lui été libéré. Il est reparti avec le témoin de statut de le, avec le témoin, oui, de, avec le statut de témoin assisté. Ça, faut mettre des mots dans l'ordre. Oui. Les révélations pessimistes du PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, étaient entendues hier par la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Il estime qu'il n'y a pas d'issue structurelle pour le site de Belfort, faute de commandes. Le patron affirme ne pas être en négociation avec l'État et attend de découvrir le plan qui sera mis en œuvre par le gouvernement. 400 emplois sont menacés. Et le point sur le sport maintenant, on fait le point justement sur la Champions League et sur le foot. Ouais, soirée en demi-teinte pour les clubs français. Bon, Lyon qui s'incline à 1-0 contre Séville, troisième maintenant de son groupe. Monaco, on va dire que sauve les meubles. Voilà, un but partout dans les toutes dernières minutes contre le Bayer Leverkusen. Monaco qui conserve sa première place, hein, première place de la poule. On va voir si Paris fait mieux ce soir, on l'espère, en Bulgarie, à Sofia plus précisément. PSG, Ludogorets, coup d'envoi à 20h45. Et rendez-vous pour suivre tout ça avec toute l'équipe, bien sûr, de la Radio Libre. Dans les autres matchs d'hier, le Real a été accroché 2-2 par le Borussia Dortmund, malgré un but de Ronaldo et un autre de Varane. La Juve a collé un 4-0 au Dynamo Zagreb. À 67 jours seulement à la tête de la sélection anglaise. Un petit tour et puis s'en va pour Sam Allardyce. Le coach anglais a démissionné du banc des Trois Lions après avoir été piégé par des journalistes du Daily Telegraph. Il leur explique au téléphone en fait comment contourner les règles sur certains transferts contre rétribution. Une honte pour Big Sam, qui a été surnommé d'abord Big Shame, hein, la grosse honte, et qui admet donc avoir fait une erreur. Il est remplacé par l'entraîneur des espoirs, Gareth Southgate. Merci Rémi pour les infos, pas de chance lui. Hein. Ah ouais. C'est icon aussi. Ah, il a fait le con aussi. Oui, ouais. 7h06, c'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct. Salle de bain de l'appart, 5h37, 10 foules. Sous ma douche, Romano. C'est les conseils pas chers. Carriole. Libéré, délivré. Cédric. Ah ben non, lui, il prend pas de douche. Le morning de Dufoul sur Skyrock. Tu peux couper l'eau, s'il te plaît? Merci. Et bon réveil sur Skyrock, vous soyez dans la salle de bain ou ailleurs. On est là et on vous suit tous les matins. Le morning avec vos 1 500 € à gagner. C'est toutes les demi-heures. Hein. La seule radio qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures, c'est Skyrock. Et la bonne réponse, c'est Skyrock. On va voir ça dans un instant. On est content parce que c'est déjà tombé ce matin. Premier coup de fil, ça tombe à Nantes chez Romain. Bravo Romain, félicitations pour tes 1 500 €. Tu vas te faire plaisir, t'as répondu Skyrock. Ouais. Le chèque, tu le mérites amplement. Il est pour toi, on va t'envoyer ça. Ce matin, le réveil de Star, c'est avec Danny Boone qu'on va retrouver. Ouais. Son film, le nouveau, sort aujourd'hui. C'est Radin. C'est Radin. Voilà, Radin. Mais il joue toujours le rôle d'un ourdi, c'est-à-dire que dedans, il dit oui, je suis Radin. Non, il joue un rôle normal. Il dit pas je suis Radin. Ah, je suis Radin. C'est marrant que dans tous les films, il est là. Ah, ouais. Mec, il est resté bloqué. Danny Boone qu'on va retrouver tout à l'heure à 7h20. Ouais. Dans moins d'un quart d'heure, on va jouer ensemble à Info ou Mytho et on va vous offrir votre iPhone 7. Il y a plein de cadeaux à choper pour les rats et les autres aussi sur Skyrock. C'est comme ça que ça se passe dans le boarding. Une belle journée à vous, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Très bonne. Et mon enveloppe, où est passée mon enveloppe? C'est moi qui l'ai là, c'est moi qui vais l'ouvrir, tiens. Ah. Allez, vas-y. Je crois qu'il y a mon nom dedans, donc... Oui, bien sûr. On ne sait jamais. Ouvre-la, l'enveloppe. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui. Et où va-t-on aller pour offrir de l'argent, là? Vous êtes tous en train d'attendre qu'on vous appelle. Ouais, j'espère qu'on ira pas chez moi, ouais. Ah, ça dure, on va pas chez toi. C'est marrant, je le sentais, j'ai du pif là-dessus. Ah, sacré. On va dans le 06. Et on va donc sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. Plus précisément au Canet. Et c'est Mathieu Olivier. Quand j'étais petit, j'allais en vacances au Canet-Rocheville. C'est vrai? Eh oui. Oh, bah dis donc. Eh oui, Romano. Vous faites une belle jambe. Non, mais. Voilà ce que ça m'évoque ce matin. Oui, bonjour, mademoiselle, madame. Oui, bonjour. Vous êtes madame comment? Olivier. Madame Mathieu. Ah, madame Mathieu. Bonjour, madame Mathieu. Comment allez-vous, madame Mathieu? Donc, il y a Olivier dans la baraque. Ah. Bon, j'ai affaire à qui, là, s'il vous plaît? C'est la radio, madame Mathieu. Bonjour, madame. Je vois qu'on se réveille dans la bonne humeur ce matin. on vous appelle pour vous offrir des sous, madame Mathieu. Oui, j'écoute pas la radio, là. Ah, bah, vous devriez, ça vous mettrait de bonne humeur le matin. Oui. C'est pas bon de pas écouter la radio, hein. Vous avez vu dans quel état de nerfs vous êtes? Oula. Vous avez vu? Ça y est. Et elle raccroche sans dire au revoir. Or, ça, ma mère m'a toujours dit, ça ne se fait pas. Ah là là. Romano, tu veux pas faire des cours d'éducation, coach éducatif ce matin? Vas-y, rappelle-la, je vais l'éduquer. Allez, vas-y. Romano, rappelle-la, dis-lui qu'on ne raccroche pas au nez des gens comme ça. Ah, cette madame Mathieu, alors. Ah là, c'est incroyable. Ah. Si elle ne décroche pas ou si elle me raccroche à la gueule, vous lui passerez le bonjour si vous la connaissez. On a pensé à elle, c'était pour les 1 500 € de Skyrock. Oui, allô madame? Voilà, c'est du joli. Je t'avais dit, Romano. Elle est à bout de nerfs. C'est beau l'éducation. Elle écoute pas Skyrock le matin. Non. Eh ben, elle ne gagnera pas 1500 euros. 1500 euros, vous le savez, vous répondez Skyrock dans moins d'une demi-heure. On recommence, on vous appelle. Vous répondez Sky et c'est 1500 euros dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Tu réveilles, tu réveilles. Baby, I like your stuff. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, on écoutait One Dance et dans un instant c'est Florida qu'on va retrouver avec un grand souvenir de Florida, un grand classique, ce sera Whistle. Il est... c'est le morceau qui siffle, c'est ça. 7h12, on va retrouver notre réveil de star de ce matin. Alors notre réveil de star ce matin c'est Danny Boone, mais oui, Danny Boone le Nordiste, ce ouais. film sort aujourd'hui, il est de retour dans les salles. Eh oui, Danny, tu es de retour dans les salles avec Radin, le film. Et j'ai vu l'interview, il prévoit un Ch'ti 2. Ah, et les Ch'tis 2, et ils arrivent, mais oui, Dani, les Ch'tis 2 arrivent. Peut-être d'ici 2-3 ans. Bah, tiens, justement, on a fait le réveil de star avec des sons des Ch'tis. Ouais, bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue sur Skyrock. Plus gros film français de l'histoire du cinéma. Et ouais, le plus gros film français de l'histoire du cinéma. Et ce matin, en direct sur Skyrock. Et voilà, c'est ça, c'est la classe. Et ce matin, on a appelé Kevin, la famille de Kevin. C'est parti pour le réveil de star. On va voir s'il est bien reçu. Et surtout, s'ils reconnaissent Danny Boone. Il y a une heure, on avait appelé un Alain. Alain, à aucun moment, il s'est dit, c'est Danny Boone. Non, non, il a gueulé, mais Pourtant, le mec faisait. Et à aucun moment il s'est dit c'est... Bah, c'est un... ça me dit quelque chose, c'est un extrait de film ça dit donc là. Ah, on y va les babaches. On va voir, bah, si tu veux, allez. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Eh bien les babaches, comme tu le dis, on y va et on va chez Kevin. Ah, chez Kiva. Kiva, c'est ça. Kiva et la famille. Allô. Bonjour. Oui. Ça va? Ça va et vous? Faut que je te parle. J'ai pas entendu. Ah ben, chez Chimie, tout le monde y parle Chimie. Hein. Il y en a même qui parlent flamand ici. Ah, il y a une flamme, c'est assez le matin, d'ailleurs. Rien comprendre. Pour ça, je connais. Hein. Au début, quand on commence à parler de ch'ti, ou le picard, hein, on est cousin avec le picard, faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Bah moi, je suis picard, en fait. C'est pas compliqué de parler de ch'timi. Par exemple, nous autres, on dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, on dit... Hein? Il faut que ça sorte de l'eau, alors. Bah ouais, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Pour le petit déjeuner. Bah une chicorée avec du maroilles. Bah ouais. C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Faut tremper dans le café, ça adouci. C'est bon. Eh, prends un canard, je adoucis. Hein. Formidable. Hein? Mais je suis un peu déçu quand même. Fais ton coup. À partir de ce soir, on dort plus ensemble. Bah tu sais, ici dans le nord, tout le monde fait avec tout le monde. Mais t'es complètement baboche, tu. Bah on dit pas baboche, on dit teutel. On vous emmène à la mine, on va faire un cache-cache. Non, je connais toutes les cochettes, là, ça sert à rien. Hein, faut pas qu'on reste trop tard à cause des chacals. On dit pas les chacos. Hein? À chacal des chacos, non? C'est ça. Ça veut rien dire. Moi, je vais aller voir les flics, hein. Tu es contre la violence entre les êtres humains? Bah ouais, mais bon, quand même, hein. En revanche, contre les objets? Ah bah, les objets, ouais, c'est pas pareil, quoi. Sauf si c'est une voiture, parce que la voiture, tu peux faire du tuning et tout dessus, tu vois, ça peut avoir une importance, une voiture, quand même si c'est un objet, tu vois. Bon, mais j'ai du courrier à distribuer. Ouais, vas-y, bah, bon courage, puis bah, tu viens boire un coup à la maison quand tu veux, hein. Puis, à demain. Ouais, demain, allez, salut. Demain. Demain, à demain. On va pas faire des débuts tous les jours, mais ça nous a fait plaisir de nous retrouver avec un vrai nordiste. Ah ouais, ils sont bien parlé et tout, hein. Oui, ils se comprenaient. Ah, Chicoré, Maroual. Au début, je me suis dit, il va rien comprendre, mais si, il a tout compris, le nordiste. Merci, Kevin. Ah. Oui, parce que c'était Kev. Qu'on avait avec nous. Kevin et le réveil de star de Danny Boone. Et dans un instant, tiens, on va vous mettre une photo tout de suite. Une photo tout de suite sur tous les réseaux de Skyrock. Vous allez sur Insta, sur Snap, sur Facebook. Vous allez. C'est Skyrock FM, hein. Voilà, vous allez mater la photo qu'on va vous mettre. On va vous mettre la photo du sosie de David Beckham. Ouais. Et on va en reparler tout de suite après. Eh ben, tout de suite après, le son de Florida qu'on vous avait promis, c'est Whistle. Allez mater la photo et je vous pose une question. On joue à Info Mytho. On va mettre en jeu l'iPhone 7. Ça aura un rapport avec la très belle photo du très beau sosie de David Beckham. Waouh. Je te le montre, Romano. Mais attends, fais voir. Le mec qui est. Allez voir, tiens, carrément. Le mec qui ressemble plus à Jean-Marc Morandini que. Putain, il y a un air. C'est vrai. Voilà. Il ressemble à Jean-Marc Morandini, le mec se prend pour Beckham. Ah ouais, il est beau gosse, dis donc. Bon, allez voir la photo. Si vous n'allez pas voir la photo, vous pourrez quand même jouer avec nous. On joue ensemble juste après Florida sur Skyrock. Il est 7h16. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Hein? Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Your love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, assuming my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Whistle, baby, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. Seul sur Skyrock, on écoute Sauce Florida pour se réveiller, également appelé aux États-Unis Florida. Florida, yeah. Et là, on est pile à l'heure, il est 7h20 sur Skyrock, et à 7h20, on va jouer à Info ou Mytho. Alors, est-ce que la photo, elle est sur les réseaux? Parce qu'il y en a qui se plaignent, elle n'est pas arrivée, la photo, je regarde, elle n'y est pas. Faut voir la photo du sosie de David Bacon dont je vais vous parler dans un instant. Ah non, mais elle n'y est pas. Qu'elle bat partout, en tout cas. Alors, on la met partout, sur tous les réseaux, vous allez pouvoir la mater. Alors, c'est un gars qui est fan de David Beckham et qui a décidé d'avoir la tête de David Beckham. Mais bah, c'est raté. Et pour cela, il a fait de la chirurgie esthétique. Ouais. Non, mais le mec, c'est complètement foiré. Alors, tout ça, je vous le dis, c'est vrai, hein, parce que là, on a la photo, le mec, il fait vraiment, il a vraiment fait de la chirurgie esthétique pour devenir David Beckham. Mais heureusement que c'est marqué, hein. Pourquoi toi tu l'as non, pris moi, Jean-Marc Morandini toi. Non mais il y a un air. Bon c'est pas vrai. Le sosie officiel mais c'est vrai ouais. À limite il ressemble plus à Morandini qu'à Beckham quoi. Eh bien je préférerais l'inverse mais c'est pas de chance pour lui hein. Alors là faut que je vous donne. Non mais c'est horrible parce que c'est un sosie tu sais il doit dire ouais je suis sosie mais les gens ils doivent dire mais de qui? Bah tout le monde se fout de sa gueule. Quand il dit je suis David Beckham là tout le monde est mort de rire. Nous les premiers. Hein. C'est comme les imitateurs pourris à la télé qui sont obligés de donner le nom du mec qui vont imiter oui. Tellement c'est mal fait. Bonjour je suis Nicolas Sarkozy. Et François Hollande. François Hollande. C'est là, mais fort. Heil. Ah, Marine Le Pen. Bien joué. Ah, tu vois, je l'ai pas dit, il a été reconnu. Ouais. Bon, alors, l'homme a dépensé 23 000 euros pour ressembler à David Beckham. Ah, bah, il s'est bien fait couiller. Il y en a qui sont bien, bien, bien amochés. Ah, ouais, c'est clair. 23 000 euros, c'est l'info que je vous donne. Faut me dire si c'est vrai ou si c'est faux. 23 000 euros pour ressembler à David Beckham. Ah, là, là, là, là. C'est loupé, hein, l'histoire. Hein. Ah, ouais, ouais. Vous nous laissez la réponse. Si vous pensez que c'est vrai, vous envoyez info. Si vous pensez que c'est faux, vous envoyez mytho. Tout ça au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Ça marche sur les deux. Vous laissez bien votre numéro de téléphone. Et on se retrouve en direct si vous êtes le premier après mon top officiel que je vous donne maintenant, top officiel. Allez, c'est parti. Vous envoyez vos messages, on prend les réponses à partir de maintenant. Bonne chance à vous. Info ou mytho, il a dépensé 23 000 euros pour ressembler à Beckham. On vous en dit plus dans un instant. Il est 7h22. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Hein. Ah, pour Lidl ? Ah non, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio, des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix c'est plein pot. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup hein. En ce moment par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins d'un euro les 4. Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Ah, pas de pot hein, c'est le vrai prix. Ah, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pour le magique anniversaire de But, en ce moment, moins 50% sur le canapé d'angle convertible Scoop. 499 euros seulement. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien? 250 euros de bon d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000 euros en cash tous les soirs. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy des idées de génie. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bon d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Et c'est parti sur Skyrock. On joue à Info Mytho. On va savoir s'il a vraiment dépensé 23 000 euros pour ressembler à David Beckham alors qu'il ressemble à Jean-Marc Morandini. C'est quand même terrible. C'est terrible la vie. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Tu aimerais ressembler à Jean-Marc Morandini, Romano? Non. Pourquoi? Bah parce que physiquement je sais c'est pas ton type toi. Voilà ouais. C'est pas ton type. Et ressemble à David Beckham. T'aurais des cheveux. Déjà t'aurais des cheveux. Ah bah Beckham c'est mieux. Mais en même temps jeune il était moche hein. Ouais c'est vrai. C'est vrai il s'est fait refaire. Ah oui bah là je peux te dire que lui aussi ça a dû lui coûter un bras. L'argent ça améliore le physique parfois. Bah surtout t'as les moyens de te faire te charcuter la gueule quoi. On l'a vu avec plein de stars. Regardez la photo qu'on vous avait mis la semaine dernière là, la photo de Calvin Harris. Ouais. Ah, ouais, ah non mais lui c'est hallucinant lui. Ah ouais terrible. On va vous la remettre il y a juste après juste pour vous s'y rigoler avec vos potes. Tu m'étonnes que le mec il arrête pas de mixer de produire des disques avec le pognon que ça lui a coûté. Ah oui bah il a besoin. Il faut qu'il rembourse. Il a besoin de renflouer les caisses. Ah ouais. Ça arrive. Bon il y a une photo que vous allez montrer à vos potes aujourd'hui parce que c'est trop drôle, c'est la photo du sosie de David Beckham. Chopez-la sur tous les réseaux sociaux. Le sosie complètement foiré. Ouais, le sosie foiré. L'info que je vous ai donnée, c'est qu'il a dépensé 23 000 euros pour ressembler à Beckham. Et on a Loïc de Stain, en direct de Stain avec nous. Salut 9-3. Loïc. Ouais. Salut les gars. Salut. Ça va Loïc. Salut Lolo. Ça va. T'as 22 ans et tu as la bonne réponse. Alors, il a dépensé 23 000 euros pour ressembler à Beckham, mais c'est foiré. Info mytho. C'est une info, c'est bien foiré. C'est que le mec a vraiment dépensé 23 000 euros. 23 000 euros pour ressembler à Beckham. Mais enfin, Loïc, t'as vu la tronche du mec ou pas? Ah, j'ai vu. T'as raison, elle ressemble bien à Morandini. Ah, on est d'accord. Ah, c'est chaud. Ouais. Ah, ouais, tu veux ressembler à David Beckham. C'est comme si tu veux ressembler, je sais pas, tu te dis, je suis fan de Cristiano Ronaldo, je vais devenir comme Cristiano Ronaldo. Et tu te retrouves avec la gueule du Ribéry. Voilà. Et là, tu te dis. Ah bah, tu l'enlèves de la bouche, Romano. Tu te dis, putain, il y a quand même un problème. Eh ben oui. Bravo. Non, mais Loïc. Refais voir. Je te remontre, Romano. Hop là. Non, mais le mec, à aucun moment, il s'est dit, je me suis fait baiser. Non, on va vous mettre trois photos. Non, le mec va sur tous les plateaux des télés anglaises et il va parler en disant qu'il est sosie de David Ouais, Beckham. Non, mais c'est le dîner de con, quoi. Le mec, il vient tout sous ta gueule, j'imagine. Voilà. Bah, le pauvre, c'est lui qui l'a voulu, hein. Je sais que je ne lui ressemble pas encore tout à fait. Ah, oh bah, c'est, mais... franchement, c'est vrai. Il manque pas grand chose. Mais je ne suis pas stupide. Non, pas du tout. Non. Juste psychologiquement, ça ne va pas aller super fort. Putain, le pauvre, il a emprunté une partie de cette somme à la banque. Ah, le pauvre. Ah, ouais. Eh ben, voilà. Bon, Loïc, le pauvre, t'en fous puisque t'es qualifié, hein. Pour Info Mytho, ouais. T'as donné la bonne réponse. Attention, l'iPhone 7 est là maintenant. Et ouais, pour l'iPhone 7 avec Carriole d'un côté et Romano de l'autre, ce sont nos deux grands journalistes d'Info Mytho. Tous les matins sur Skyrock, le tour des infos du monde. Et allez, à 7h26, on y va. Info ou mytho, qui dit vrai, qui dit faux, à toi de détecter le mytho. Attention, ça fait deux jours de suite où ça perd dans Info Mytho. Hein. Ouais, attention, ouais. La pression est là. La pression monte, Loïc, écoute bien Romano tout de suite. Alors moi, ça se passe à Rennes, avec la célèbre rue de la soif. Ah, la rue des pochetrons. Et là, une association de lutte anti-alcoolisme a décidé de mettre en place une opération. Ils ont mis des panneaux à l'entrée de la ville, moi ils les mettent le samedi soir. Hein. Mmh. Des panneaux triangulaires, comme des panneaux de signalisation, en mettant « attention aux ivrognes ». Pour prévenir les gens qui voudraient se promener dans la rue. Éventuellement, tu croises un ivrogne, tu es au courant grâce au panneau de signalisation installé par l'association anti-alcool. Alors, attention aux ivrognes. De lutte contre l'alcoolisme, oui. À Rennes. C'est l'info de Romano. Carriole, ton info. Moi, c'est une femme qui attaque en justice une société qui fabrique des sextoys. Oui. Et en fait, évidemment, elle les accuse d'espionnage et d'intrusion dans sa vie privée. D'intrusion, ouais, c'est normal. Ouais. Parce qu'elle a peur, en fait, qu'ils gardent les enregistrements sur leur serveur. Ah ah. Bah attends. Info ou mytho? Info ou mytho? Alors tu as deux infos, il y a celle de Carriole, les sextoys et l'autre folle qui attaque pour intrusion. Oui, intrusion. Bon, en même temps. Ou alors Romano et sa rue de la soif, ouais. Les panneaux des ivrognes. Et les panneaux là, installés par l'association. Qu'est-ce que t'en penses Loïc? Alors, je sais pas trop, mais je dirais Romano mytho et Carriole info. J'aurais dit comme toi. Mais attention, hier je me suis planté, hein, donc. Ouais. J'aurais dit comme toi, donc on valide. C'est ouais, bon. Franchement, tu m'as fait peur. Mais ça y est, c'est bon. Ah, c'est gagné. L'iPhone 7, Loïc. Il est pour toi. Cool. T'es soulagé? Ah ouais, franchement, ça fait du bien. Hier aussi, je me serais trompé comme toi. Et aujourd'hui, j'ai hésité, mais je me suis dit, ivrogne, c'était trop. Donc, faites comme, c'est vrai, ouais. Faites comme Loïc, entraînez-vous pour Info Mytho. Moi, je m'entraîne tous les matins. Un jour, je jouerai, je gagnerai mon iPhone 7. Ouais. Donc, ta vraie info, Romano, c'était quoi? En fait, c'est du côté de Duras. C'est dans le Lot-et-Garonne. Dans le sud-ouest. La période où, là où c'est les vendanges. Et il y a des pancartes sur la route. Vous voyez la pancarte avec la voiture qui dérape là. Le triangle, ouais. Ouais, le triangle. Avec risque de verglas. Mmh. Ils ont fait la même chose avec, en dessous, c'est marqué jus de raisin. Parce qu'en fait, vu qu'il y a les camions qui viennent récupérer les raisins, il y a du jus de raisin qui coule sur la route et ça rend la route glissante. Donc, pendant toute la période des vendanges, il y a le fameux panneau jus de raisin. Jus de raisin. Attention, jus de raisin. Ça aussi, pour vous le prouver, on va vous le mettre sur le net parce que ça paraît incroyable. Et on a trouvé ça dans le journal Sud-Ouest. Bah, big up Sud-Ouest, on veut bien un abonnement gratuit. Merci Sud-Ouest. Je gratte en passant. T'as raison, Romano, t'as raison. Bon, bah, toi, c'est gratuit, t'as pas besoin de gratter. L'iPhone 7, on te l'envoie à la maison. Il est pour toi. Bravo Loïc. Ouais, c'est cool, merci. Eh ben, merci à toi. La prochaine fois que tu nous appelles, tu nous appelleras avec ton téléphone. Tu feras pas une voix comme ça. T'auras une belle voix, mais tu parleras pas du nez. Comme ouais, ça. C'est bien de changer de téléphone, je crois. Super Loïc. Bonne journée à toi. Salut. Ciao. Loïc. Merci, salut Loïc. Ciao, ciao. Salut. Et un gros son à écouter maintenant. Ah, on adore ça. Écoutez bien. C'est le nouveau The Weeknd. Découvert sur Skyrock, The Weeknd et les Daft Punk en plus. Ça s'appelle Starboy. C'est juste avant vos infos et vos 1500 euros. If I kill any pain, look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster SVI. Overweight, getting hefty, coming for the king, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. Découvert sur Skyrock The Weeknd et les Daft Punk qui sont de retour avec ce morceau qui s'appelle Starboy. On a découvert ça la semaine dernière dans le morning dès 6h du matin. Ouais. T'es levé bientôt et pas pour rien pour découvrir une grosse nouveauté. J'adore ce morceau là. The Weeknd, Starboy sur Sky. Dans un instant, Riri, Rihanna, Calvin Harris qui arrive. On en parlait de Calvin Harris avec sa belle photo là avant, après. Avant la chirurgie esthétique, après la chirurgie esthétique. Ken Jones sera là aussi. Alonso avant 8h du matin. Et puis 1500 euros à gagner. C'est toutes les demi-heures, tous les matins. On vous offre de l'argent. Si vous êtes à Nantes, eh bien vous avez un Nantais qui vous a bien représenté ce matin, c'est Romain. Ouais. Il y a une heure, il gagnait 1500 euros. Bravo Romain. Bravo, bravo. Bravo Romain, félicitations à toi. On va parler argent évidemment avec vos 1500 euros, mais aussi avec les conseils pas chers et une arnaque à dénoncer ce matin. Ouais, attention, si vous utilisez des clés USB. Attention. Vous pouvez être piraté. Attention, attention. Ah, piratage. Piraté où on peut vous détruire votre ordinateur. Destruction d'ordinateur, piratage informatique, intrusion dans la vie privée. Tout ça dans les conseils pas chers. Faites gaffe si vous avez un ordi. Vous faites attention aux clés USB. Mais attention. On en reparle dans un instant. Le temps de faire le point sur l'actu avec toi, Rémi. L'actu du jour avec tout de suite la météo de ce mercredi. Et ça reste couvert ce matin dans le nord du pays. Grisaille par endroits, des Hauts-de-France à la Normandie, en passant par le bassin parisien et les Pays de la Loire. Bon, ça ira mieux cet après-midi. Le ciel sera bien dégagé partout. Hein, donc vous allez pouvoir passer une bonne journée. Les températures stationnaires ce matin entre 10 et 18 degrés, 16 en Ile-de-France. Ça monte cet après-midi principalement dans le sud et ce sera encore plus chaud demain. D'ici là, il fera de 20 à 29 degrés. Puis la pollution, c'est bien, sauf dans le sud-est. Les indices compris entre 3 et 4. 5 à Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Toulon. Et le point sur la l'actu, comme promis, l'actu et le sport sur Skyrock. Deuxième jour de procès de la chemise arrachée à Bobigny en région parisienne. Pour l'instant, les témoignages sont fragiles à cause de la cohue qui régnait le jour du comité d'entreprise d'Air France. Rappelez-vous, le DRH avait été pris à partie et s'était retrouvé torse nu, entouré d'un service de sécurité débordé. 15 personnes sont jugées dans cette affaire. Les révélations pessimistes du PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, étaient entendues hier par les députés, par la commission des affaires économiques de l'Assemblée, pour être précis. Il estime qu'il n'y a pas d'issue structurelle pour le site de Belfort, faute de commandes. Le patron affirme ne pas être en négociation avec l'État et attend de découvrir le plan qui sera mis en œuvre par le gouvernement. 400 emplois sont menacés. Un homme grièvement blessé aux mains à Toulouse. Il était au volant de sa voiture quand la batterie de sa cigarette électronique a explosé. Le feu s'est vite propagé à sa voiture, mais il a réussi à s'arrêter et à sortir rapidement. Une plainte a été déposée. Est-ce, comme il le dit, une nouvelle tentative de destruction ou a-t-il été trop loin? La justice le dira, mais quoi qu'il en soit, Rof fait encore les gros titres de l'actualité ce matin. C'est le Parisien qui évoque l'affaire depuis hier. La femme du rappeur du 9-4 se serait rendue au commissariat pour porter plainte pour violence conjugale. La police aurait auditionné la victime présumée hier à Saint-Maur. Elle évoquerait des coups de pied, des coups de poing, des gifles ou encore des menaces de mort. ROH2F a déposé de son côté une main courante et devrait être convoqué au poste pour s'expliquer. Difficile donc d'y voir clair ce matin, d'autant plus que le vitriot se défend. Il affirme sur Facebook que toute cette histoire est fausse et que bientôt il en apportera la preuve par rapport à sa femme. Il laisse entendre que le Parisien a toujours voulu le détruire. Toujours selon la presse, c'est une voisine qui a entendu des cris, qui serait intervenue au domicile du couple dimanche pour mettre fin à cette scène de violence. On parle sport maintenant avec la Ligue des Champions et une nouvelle carrière pour Florent Madoudou. Il sort de la piscine. Ouais, deuxième journée de la Champions League. Soirée moyenne pour les clubs français, on peut le dire. Lyon d'abord qui s'incline 1-0 contre Séville et se trouve désormais à la troisième place de son groupe. Et puis Monaco qui concède le nul, un but partout contre le Bayer Leverkusen. Heureusement, un but inscrit dans les toutes dernières minutes de jeu. Du coup, les Monégasques sont tout de même encore premiers de leur poule. On va voir en tout cas si Paris fait mieux ce soir en Bulgarie, à Sofia. Oui. Est-ce que Paris va faire mieux ce soir? C'est la question qu'on se pose tous. PSG Ludogorets, coup d'envoi à 20h45 et rendez-vous pour suivre tout ça avec toute l'équipe de la Radio Libre. Dans les autres matchs d'hier, le Real a été accroché 2-2 par le Borussia Dortmund malgré des réalisations signées Ronaldo et Varane. La Juve a collé un 4-0 au Dynamo Zagreb. Une nouvelle orientation pour Florent Manodou, le nageur vice-champion olympique du 50 mètres à Rio, délaisse un petit peu les bassins pour les parquets. Il renoue avec le hand et s'entraîne actuellement avec Aix-en-Provence. Il a pratiqué ce sport pendant 10 ans et évolue pour l'instant en équipe 2, avant peut-être, on ne sait jamais, de monter en équipe 1 et donc de jouer en D1. Eh ben bonne chance à lui. Bah ouais. Mais il fera quand même les JO. Oui, il fera quand même quelques Tokyo. Trucs dans la piscine. Quoi. À Tokyo, c'est son manager qui l'a dit. C'est bien de faire de sport comme ça. Ouais, mais de toute façon, il a jamais aimé, il aime pas la natation. Hein. Non, ça l'a fait chier parce que c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de boulot et c'est pas facile. Ouais, mais il veut faire du hand justement pour décompresser. Ouais, et puis c'est un sport qu'il a fait ça, mais ça l'a jamais plus que ça. C'est con, hein, parce qu'il a fait ça quand même pendant toute une grande partie. Ouais, c'est clair. Bon, famille Manoudou, merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure, tout à l'heure, à 8h, il est 7h36. 7h36, c'est l'heure de vous offrir de l'argent. 1500 euros à gagner. Check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio. Ça. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et non, c'est pas des conneries, hein. Skyrock est la seule radio qui vous file 1500 euros toutes les demi-heures, tous les matins. Il suffit de répondre Skyrock. Ouais. Il y a plusieurs tuyaux qu'on nous a donnés pour pas se planter. Par exemple, si vous partez et que dans la famille, vous les sentez pas trop, mettez un post-it avec écrit Skyrock dessus. Ouais, ça c'est bien ça. Et quand on vous appelle, vous décrochez. Un autre truc auquel on avait pensé, ne dites plus allô quand vous décrochez, dites Skyrock. Tout simplement. Hein, comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les 1500 euros. Et puis, un troisième tuyau, mais ça, on vous le donne depuis un petit moment. Vous envoyez 1500 au 720, comme ça, vous augmentez vos chances de gagner. On fait des tirages au sort dans l'annuaire, mais on tire aussi parmi tous les numéros que vous nous avez laissés. Oui. Et donc, vous serez peut-être tiré ce matin. Vous envoyez 1500 au 720, et c'est 1500 euros à gagner tous les matins sur Skyrock. Une question qu'on va vous poser pour introduire les conseils pas chers. Nous allons introduire, Romano, tes conseils pas chers. Absolument, oui. Ah oui. Vas-y, introduis-moi. Si vous receviez une clé USB dans votre boîte aux lettres, imaginez, qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'ai pas de boîte aux lettres. L'autre il va foutre ma question. Hein, bah, non mais c'est vrai, on n'a pas de boîte aux lettres. Et bah t'en achètes une, Romano, c'est mais trop non. Cher aussi ça. Bah, bah ouais, mais c'est pas trop cher, écoutez. Non mais c'est pas donné, hein, j'avais déjà regardé le prix. Alors vous trouvez une clé USB, alors sous ton paillasson, t'as un paillasson? Oui. Ah ouais, il a un paillasson. Bah le réflexe c'est de la lire. Alors toi tu la lis, ok, dites-nous ce que vous faites. Je vous pose juste la question comme ça et vous en saurez plus dans un instant là. Vous trouvez une clé USB dans votre boîte aux lettres, vous en faites quoi? Moi perso je la lis, mais peut-être pas sur mon ordi. Ah bah parce que tu sais toi. Ouais, non, mais même je me méfie, tu sais, je me dis, ouais, tu sais, les trucs comme ça, qui des trucs dégueux dessus après que on te retrouve que tu l'as utilisé, machin. Ah, tu penses à des trucs dégueulasses, j'imagine. Bah, tiens, on sait jamais, hein. Il y a des tordus, hein. Eh oui, exactement. Alors, vous avez. Là, tu retrouves dans un. Non, mais tu sais, il y a des histoires, laisse tomber. Tu retrouves convoqué chez les keufs alors que t'as juste mis une clé USB dans ton ordi, ça fait chier. Alors, 41-759, sur l'appli Skyrock, vous nous dites ce que vous en faites. La clé USB, vous la recevez à la maison, vous en faites quoi? Réponse très vite, et puis on en reparle. Attention, avec une arnaque à l'ordi. Ah ouais, attention, terrible. Terrible, on en reparle tout de suite, mais après les 1500 euros, parce que je vous en ai parlé, mais on va vous les offrir maintenant. Les 1500 euros sont à gagner, c'est sur Skyrock. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? C'est Skyrock. Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui, et on ouvre l'enveloppe, c'est parti. 1500 euros à gagner, et on file ce matin... Eh bien, dans ta région, Romano... La Bourgogne. On va dans la capitale de la Bourgogne. À Dijon, mais ouais. C'est parti dans le 21 à Dijon et on appelle la famille Gomez ce matin. Adam Gomez qui a été tiré au sort. J'espère qu'il va répondre, Skyrock. Oh, c'est ma Bourgogne. C'est ta Bourgogne natale. Mais oui, on va parler à un bourguignon ce matin. Tu veux lui dire bonjour? Ouais, mais à Dijon, c'est à moi l'accent. Bah alors, Dijon, pourquoi vous n'avez pas d'accent? T'es pas content, Romano? C'est dans le Morvan, l'accent. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Dans le Morvan. Au Creusot. Alors, Dijon, quatrième sonnerie, là, attention. Ouais. Quatrième sonnerie. Et la dernière. Et pendant ce temps-là, je regarde Cariole, elle a les doigts dans son nez. Elle est contente. Ah non, désolé. Et il n'y a pas Skyrock sur le répondeur. Dommage. Hier, on a eu Emilien qui avait laissé Skyrock sur le répondeur. Il était au bahut. Emilien qui était au bahut hier a laissé un beau Skyrock et il a gagné 1500 euros. Ouais. Ah ouais, on l'a eu hier soir dans la radio libre. Bon, pour gagner 1500 euros, c'est simple. Faut faire comme il y a une heure. C'est tombé chez Romain à Nantes. Monsieur Romain Hougron. Oui. On est bien à Nantes. C'est ça. C'est bien. Nous, on est bien à la radio. J'allais donner le nom de la radio. Comment? Salut Romain. Tu nous écoutes? Ah bah parfait. Eh oui. Ah, bah, écoute, on va te poser la question alors, puisque tu écoutes, Romain, écoute bien ma question. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et c'est gagné. Bravo. Et voilà, premier gagnant ce matin. Bien joué Romain. Putain, c'est bon ça. Le premier, mais pas le dernier. 1500 euros à gagner pour Romain. C'est fait pour vous. C'est dans moins d'une demi-heure sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Skyrock avec Calvin Harris, This is what you came for à 7h44 sur Skyrock. On vous a posé une question, on vous a demandé il y a un instant si vous receviez une clé USB dans votre boîte aux lettres, vous feriez quoi avec? Eh ben vous êtes une majorité à la lire parce qu'on est tous curieux. Bah même moi je suis capable de la lire, mais sur l'ordi d'un pote. Parce qu'il faut se méfier, il faut se méfier des arnaques. Eh bien vous avez bien raison. Tiens, moi je prends la clé et je clear les dossiers. Ah, il y en a qui la passent dans un antivirus. Putain, je sais même pas comment on fait pour passer une clé USB dans un antivirus. Bah si t'as un antivirus, normalement quand tu branches un truc extérieur, ça se met directement en route. Ah, faut faire. Moi je la fous à la poubelle directement pour Ophélie. Je crois que t'as raison Ophélie. Faut pas la lire, car il peut y avoir des virus à l'intérieur. Raconte-nous cette arnaque. Bien joué, bien joué. C'est une nouvelle arnaque. Il y a Happen 14 du Calvados qui nous dit faut surtout pas la lire, c'est une nouvelle arnaque du moment. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai entendu déjà parler de ça pour la clé USB. Attention, on nous dit là. Alors Romano, attention, toi aussi tu nous le dis. Oui, attention, danger. Votre Hitch, lui, va au taxiphone. Votre curiosité peut vous perdre. Et oui, si vous êtes trop curieux, ça peut vous perdre. Attention, attention. C'est une première dans l'histoire du piratage. Non. Si, une première. Une première. Bon, là, pour le moment, ça a beaucoup eu lieu en Australie. Bon, évidemment, après, ça se répand dans le monde entier. Hein, donc, ça va arriver un jour ou l'autre. C'est peut-être même déjà arrivé en France. Attention. En fait, quelqu'un dépose une clé USB dans la boîte aux lettres. Ouais. Les gens, forcément, la curiosité les pousse à l'introduire dans l'ordinateur. La curiosité est un vilain défaut. Et là, alors là, c'est le drame. Et le drame. Parce qu'en fait, ça pique vos données personnelles, ça installe un virus, et il y a même des formules qui font que l'ordinateur se détruit de l'intérieur. Le truc explose. Alors, il faut faire très très attention. Et ce matin, j'arrive chez les familles, j'ai une clé USB, j'aimerais bien la lire, comme ça je leur pique leurs données, leur code secret et tout ça. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Bah, c'est du piratage. Ah hein, bah, c'est les conseils que je suis le pirate. Oui, c'est Romano le pirate ce matin. Il y a des contrefaçons. Le musée de la contrefaçon à Paris. Jamais on a vu un marché de la contrefaçon de cette taille. Nous, on a l'original. Romano et ses conseils pas chers sur Skyrock. Garantie 100% authentique. Et authentique, ça c'est vrai, on peut ouais, le dire. Ouais. Il tient un beau jingle, Romano. Ouais, ouais. C'est la classe. Bon alors, on appelle qui ce matin? À qui tu vas refiler une clé USB? Je ne sais pas, qui on a. C'est Didier. Didier, c'est lui. Ouais. Donc tu refiles une clé USB à Didier, clé USB virusée. Bien sûr, pour lui piquer ses données personnelles. Donc vous avez une clé USB dans la boîte aux lettres, ne la lisez surtout pas. Surtout pas. Ou pas chez vous en tout cas. Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Didier? Oui. Ah, c'est Didier ça même? C'est moi. Ouais, comment tu vas? Ça va, d'Ivoire, j'habite pas loin de chez toi, là, j'ai un petit problème. J'ai une clé USB, là. Oui. Oui. Tu sais ce que c'est? Tu sais, le truc qui se remange dans l'ordinateur, là. Alors, si tu veux. Ouais, bah, je peux, t'as un ordinateur chez toi? Oui, mais qui c'est, alors, là? Bah, c'est l'heure. Il est 7h47. Non, mais qui c'est? Non, il dit qui c'est, alors, là. C'est Jean-Louis. Jean-Louis, je connais pas Jean-Louis. Bah, justement, on fera connaissance autour d'un petit café. Parce que c'est urgent, c'est pour le boulot, il faut que je lise la clé USB vite fait chez toi, là. Est-ce que je peux passer à la baraque? Non. Bah non, je pourrais faire. Bah pour lire ma clé USB. Non, bah alors, je connais pas, je sais pas qui c'est, là. Bah justement, on fera connaissance, moi je connais un peu ta femme. Elle est bien roulée, hein. Un sacré beau petit cul. Ah bah non. Allô? Ah non. Mais lui, je suis même pas sûr qu'il sache ce que c'était réellement une clé USB. C'est pour ça que j'ai posé la question, je suis pas sûr qu'une clé USB, c'est pas ce que c'est. Ouais, si le mec a bloqué sur autre chose. Qui pour ouvrir ma porte? J'en ai déjà, j'ai un trousseau de clé. Je suis pas serrurier, monsieur. Si tu ouvres la porte. Bon, fais-en un deuxième, puisque bon, ouais. On est tombé chez Didier qui n'était pas trop branché au niveau informatique, pas ça trop, arrive. Non, pas trop. Bah, c'est Patrick. Oui, j'ai une clé UBS. Qu'est-ce que c'est une clé UBS? Non, c'est USB. UB, une clé UB. USB, on dit, monsieur. Et on va chez Patrick maintenant. Alors, est-ce que cette arnaque fonctionne vraiment? C'est le test que tu fais ce matin. Toi, t'as un voisin, il vient te demander, je peux mettre une clé USB? Non. Bonjour, vous êtes bien chez Patrick et Florence. Oh. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Merci. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est oui. Michel? C'est la femme à Michel? Mmh. Excusez mon ami, il a pris un café, il était trop fort. Ouais. Et il est là, Michou? Non, il est pas là. Ah, vous avez un ordinateur chez vous? Oui. Oui, parce qu'en fait, je vous explique, mon ordinateur a lâché, il faudrait que je lise absolument une clé USB là. Est-ce que je peux passer vite fait la lire chez vous? Non. C'est très gentil. Merci. Entre voisins, on peut compter sur les autres. On peut se rendre service. Oui. Allez, je peux passer. En plus, il n'est pas là, Michel. Non, mais les gens se méfient, tous les trucs informatiques. Vous avez raison de se méfier en plus. Ouais, ah ouais, en même temps, bon, il y a de quoi se méfier. Et ouais, donc faites attention, si vous avez une clé USB qui apparaît comme ça dans votre boîte aux lettres, ne la lisez jamais. Ou alors lisez-la sur l'ordi de quelqu'un que vous aimez pas trop, par exemple. Ouais, voilà, par exemple. Jamais. Il y a des clés USB qui grillent les composants, ça les électrocute, nous dit Pogbog Dog. Ouais, et la police australienne a été obligée de passer un message national tellement il y avait des gens qui se faisaient baiser. Dans un instant sur Skyrock, on retrouve notre loseuse du jour. C'est une loseuse aujourd'hui, oui. Si vous êtes garagiste et qu'on vous demande le nombre de roues sur une voiture, vous savez? Oui. Combien? 4. Bien non. Joué, pourtant t'es pas garagiste. Tu es trop forte. Bah ouais. Dans un instant, on va parler de quelqu'un qui connaît bien, hein. bien son métier. Oui, il y en a 5 avec la route de secours. Ah bah oui, mais c'est encore une erreur. Oh, bah non. Ah, au permis de conduire, tu te fais baiser. Hein. Oui, on va parler de quelqu'un qui connaît super bien son métier. Dans un instant, c'est sur Skyrock. Ça s'est passé sur BFM Télé. Skyrock fait dans l'info ce matin. Waouh. Attention, attention. Il est 7h50 et l'horoscope de l'amour arrive dans moins d'une minute. Et aussi le son de Ken Jones pour Don't Mind. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron. Là, c'est pas bon. Hein. Ah, pour Lidl. Mais non, patron. Pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, des yaourts, du lait. La totale, quoi. Bah, mais du coup, les prix sont aussi bio. Ah, bah non, hein, ça vaut vraiment le coup. En ce moment, par exemple, l'huile d'olive vierge extra et bio est à 3,59€ les 50 centilitres. C'est les salades. Ah ben non, patron. L'huile d'olive bio vierge extra à 3,59€, eh ben c'est le vrai prix. Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7,18€ le litre. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. MHD. La sensation afro-trap MHD vous fait découvrir son nouveau single Akelenta, extrait de son premier album. L'album de MHD, toujours disponible. Et ouais, super album Skyrock, MHD, qu'on écoute sur Sky aussi. Il est 7h50, l'horoscope. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre horoscope pour ce mercredi 28 septembre. Les puissances amoureuses de tous les signes. On va démarrer par les meilleurs, les sagittaires et les cancers. Vous avez la prime, 5 sur 5. Mais oui, journée de succès sur le plan affectif. On va craquer sur vous aujourd'hui, les cancers et les sagittaires. 4 sur 5, les béliers et les balances. En couple, votre histoire va prendre encore plus d'importance aujourd'hui. L'amour. Mais et pour les célibataires, toujours l'amour aussi. Célibataires, journée favorable pour une belle rencontre aujourd'hui pour les balances et les béliers. Les taureaux et les gémeaux, vous avez 3 sur 5. C'est une bonne journée pour prendre soin de vous, et puis rassurez-vous, les autres prendront soin de vous également aujourd'hui. Vous serez câlinés, les taureaux et les gémeaux. 2 sur 5, les tout petits Verseaux et les lions. Ouais. Verseaux et lions, célibataires, vous emballez pas trop vite. Et pour les couples, prenez un peu de temps pour votre partenaire qui a peut-être quelques reproches à vous faire là-dessus. 1 sur 5, les magnifiques et très beaux capricornes. Bon, mais comme toi, dis fou. Et les scorpions, oui, hein, aujourd'hui. Hein. Ah ouais, mais c'est normal, on est franc, on dit ce qu'on pense aujourd'hui, que ça plaise ou pas, on risque de se faire quelques petits ennemis, mais on est franc. Et ouais, c'est ça, nous, la franchise, les capricornes. Et pour finir, les vierges et les poissons, vous aurez tendance à vous inquiéter pour rien aujourd'hui. Soyez pas parano, restez zen et vous verrez, vous passerez quand même une bonne journée. Et ben, il est pas mal l'horoscope pour tout le monde aujourd'hui. L'horoscope de l'amour tous les matins, c'est sur Skyrock. Il est 7h52. Qui est notre loseuse du jour? Et ben, on la découvre tout de suite après Ken Jones et Don't Mind. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I'm about it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I'm about it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She Say she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I passe. And I said, na boulette. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I passe. And I said, na boulette. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, na boulette. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, na boulette. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I pass it. And I said, na boulette. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I pass it. And I said, na boulette. No matter where I go. Sur Skyrock, c'était Ken Jones avec Don't Mind à 7h55. Si vous allez chez un garagiste et qu'il ne connaît pas le nombre de routes de votre voiture, est-ce que ça vous inquiète? Inquiétez-vous. Ah bah oui. Ouais. Eh bien, on va faire la même chose ce matin avec un homme politique, une femme politique, même plus précisément, qui est notre loseuse du jour. Voici donc la loseuse du jour. La loseuse du jour. La loseuse du jour. Et oui, interviewé par le grand Jean-Jacques Bourdin sur BFM Télé hier. Vous savez, c'est celui qui pose plein de questions aux hommes politiques. Ouais, avec sa voix grave. Salut, c'est Jean-Jacques. Attention, bienvenue sur BFM Télé ce matin. Marion Maréchal Le Pen, qui voulait devenir présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est important, a été interviewée hier matin par Jean-Jacques Bourdin. Dites-moi, combien d'habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Elle devrait connaître. Oh, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est autour de 2 millions, quelque chose comme ça. Vous dites 2 millions d'habitants en Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, Marion Maréchal Le Pen? Il me semble que oui. Ben non, il n'y a pas 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants? Oui, bah peut-être un peu plus que ça, je ne sais plus. Vous avez voulu être présidente de la région? Oui, oui, d'accord. Alors vous voulez combien d'habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Je n'ai plus le chiffre exact. Mais moi, je vous dis, il y en a 5. Très bien. Et non pas 2 millions. Et voilà, il y en a 5 et non pas 2 millions. Et vous avez devenu présidente de la région? C'est vrai, c'est comme si tu vas dans une boulangerie. Et dans la boulangerie, tu demandes une baguette et la meuf, elle te fait, mais je sais pas ce que c'est qu'une baguette. Bah, tu sais que moi, ça m'est arrivé une fois chez Bricorama, la meuf, j'avais demandé un marteau. Oui. Et la meuf était incapable de me dire ce que c'était. Même la meuf, je crois que je lui avais dit, j'étais avec un pote, je lui fais, mais c'est une blague. Non, non. Elle me fait, non, mais. Bah, c'était peut-être fait, Marine Le Pen que tu as croisé ce jour-là. Elle me fait, je viens d'arriver, je trouve pas. Et ben, Marine. C'est un truc pour planter les clous, madame. Même problème pour Marion Maréchal Le Pen. Ouais, ouais. Elle voulait devenir présidente de la région et croit qu'il y a 2 millions d'habitants. Mais Marion Maréchal Le Pen, il y a déjà 1,5 million à Marseille. Putain, Jean-Jacques Bourdin, 700 000 à Nice. Tu sais, c'est une interrogation. Répondez. Combien d'habitants? Bon, voilà, elle mérite le titre de loseuse du jour quand même. Hein. Ah oui, oui. Ah ouais. Bravo à elle. Félicitations. Bravo. Ah, bah, pour une fois qu'ils nous font rire, ça fait plaisir. Hein. Ah, à 7h57, on se prépare et on va vous offrir de l'argent. Ne vous trompez pas, vous savez qu'il faut répondre Skyrock pour gagner des sous. Si vous voulez 1 500 euros, on vous fait un petit coup de fil. Vous répondez Sky et c'est dans la poche. On se prépare aussi pour un réveil de star. Nouveau réveil de star à retrouver à 8h10. Ouais. Et du gros son pour se réveiller. Du Pitbull, du Florida, du Jay-Z, du Kanye West, du 21 Pilots. Et c'est pas tout. Restez là.

9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et oui, c'est nous en direct. Cariole est là. Sam sur les réseaux sociaux qui vous a mis une très très belle photo du sosie de David Beckham. Celui-ci, il a pas loupé. Montrez-le à vos potes. Vous allez voir, il est magnifique. On dirait Jean-Marc Morandini. Oui, il a dépensé 23 000 euros pour ressembler à David Beckham. Pas de chance. Il ressemble à Jean-Marc Morandini. Le chirurgien devait être fan. Ah bah, j'imagine. Bah, moi aussi, tu sais, j'adore. Bah, grave. J'adore. Romano Bontella aussi. Cariole, la plus belle. Bah oui. Nous, Karim, je sais pas si je t'ai annoncé. Le plus beau aussi, ouais, je suis là. Si tu veux. Ouais. En remplacement de Cédric. Cédric se fait opérer aujourd'hui. Un autre Cédric se fait opérer cet après-midi de sa clavicule. La clavicule et les quatre cutes. Ouais, ils vont lui mettre une plaque dans la clavicule. Ils vont les vis. Ils vont l'ouvrir. J'ai très peur pour les médecins quand ils vont découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et hier, terrible nouvelle qu'on a appris dans la radio libre. Ouais, parce qu'on apprend des choses tous les soirs. On peut péter en étant anesthésié. J'espère que. Connaissant Cédric, ça risque d'être terrible. Qu'il n'y aura pas de mort aujourd'hui en salle d'opération. Voilà, je suis anesthésié. Je parle de toute l'équipe médicale, bien sûr. Bon courage aux services médicaux de toute la France. Voilà, et big up à toi, Cédric aussi. Ouais. Bon, on vous offre 1500 euros dans un instant. C'est sur Skyrock. Un nouveau réveil de star à découvrir. C'est juste après Pitbull et Florida qu'on vous a préparé. D'aller, d'aller. Et après vos infos avec Rémi. Ouais, c'est parti. Rémi qui se mange les doigts tellement il est content de vous retrouver. Il n'en peut plus, il ne tient plus. C'est à toi. Inquiète-toi, dis full, parce qu'il se mange les doigts en te regardant. N'importe quoi. Ah ouais, d'accord. Je crois que t'as une touche. Oui. Ben voilà, voilà une bonne nouvelle. Hey, bon, ça va fricoter dans l'équipe. Ah, bien sûr. Non, non, mon horoscope, j'ai un aujourd'hui. Donc, ah bon, ben, ça le fricote. Sauvé. Le point sur la météo tout de suite pour démarrer à 8h04. Et ça reste couvert ce matin dans le nord du pays. Un petit peu de grisaille dans les Hauts-de-France, Normandie aussi, bassin parisien, pays de la Loire. Pas d'inquiétude, ça va se lever, ça ira mieux dans la journée. Partout ailleurs, ciel bien dégagé. Les températures stationnaires ce matin entre 10 et 18 degrés, 16 en Ile-de-France. Ça monte cet après-midi principalement dans le sud entre 20 et 29 degrés. La pollution, et c'est bien sauf dans le sud-est, les indices compris entre 3 et 4. 5 à Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Toulon. Et le point sur l'actu, comme promis, l'actu et le sport tout de suite sur Sky. La disparition de Shimon Peres cette nuit dans son sommeil, l'ancien président et premier ministre israélien, est mort à l'âge de 93 ans. Il avait quitté le pouvoir seulement il y a deux ans, en 2014. Il a été récemment victime d'un AVC. L'histoire retiendra l'accord d'Oslo conclu avec les Palestiniens et qui lui avait valu le prix Nobel de la paix en 94. Ses obsèques seront célébrées vendredi à Jérusalem. François Hollande salue la mémoire ce matin d'un des hommes d'État les plus illustres. Un petit carnet qui pourrait causer de grands soucis. Le site d'Info Mediapart affirme qu'un cahier étant la possession de la justice, il appartiendrait à un haut dignitaire libyen et démontre que Nicolas Sarkozy aurait reçu trois versements pour sa campagne de 2007, une somme qui représenterait la somme de 6,5 millions d'euros. Le propriétaire du carnet est mort depuis 4 ans dans des circonstances étranges. L'ex-chef de l'État a toujours démenti un financement de sa campagne par le régime de Muammar Kadhafi. Alain Juppé qui prend le large dans les derniers sondages, une étude vient d'être publiée. Le maire de Bordeaux remporterait la primaire dans tous les cas de figure. Il serait en tête au premier tour et largement au second face à Nicolas. toi t'as un truc ce matin, ça va pas toi Rémi, hein. Je sais pas ce qu'il a, il me regarde en se léchant les doigts, après il fait je m'étouffe tout seul. Et il sera en tête au premier tour et largement au second face à Nicolas Sarkozy avec 59% des voix. Un homme placé en garde à vue à Rouen, il est soupçonné d'avoir violemment frappé sa femme enceinte de 8 mois. La victime a été hospitalisée d'urgence, le bébé a été mis au monde par césarienne et se trouve dans un état critique. L'individu de 20 ans dont on ignore si c'est le père de l'enfant pourrait être mise en examen dans la journée. Et le poids sur le sport maintenant avec la Ligue des Champions et un nouveau sélectionneur en Angleterre. Il n'aura pas fait long feu. Non, c'est vrai, il n'a pas duré longtemps. On va en parler juste après. Mais d'abord, la Ligue des Champions. Lyon qui s'incline 1-0 contre Séville et se trouve désormais à la troisième place de son groupe. Monaco concède le nul. Un but partout contre le Bayer Leverkusen. Heureusement, un but inscrit dans les toutes dernières minutes. On va voir si Paris fait mieux ce soir. En Bulgarie, à Sofia pour être précis. PSG, Ludogorets. Coup d'envoi à 20h30. Ça va pas les gars, hein. Non mais c'est une chanson. D'accord. Ouais. PSG Ludogorets, coup d'envoi à 20h45 et rendez-vous pour suivre tout ça avec toute l'équipe de la Radio Libre. Dans les autres matchs d'hier, le Real accroché 2-2 par le Borussia Dortmund malgré les débuts de Ronaldo et de Varane. La Juve a collé un 4-0 au Dynamo Zagreb et puis 67 jours seulement à la tête de la sélection anglaise. Un petit tour et puis s'en va pour Sam Allardyce. Le coach anglais a démissionné du banc des 3 Lions après avoir été piégé par des journalistes du Daily Telegraph. Il leur explique au téléphone comment on contourne en fait les règles sur certains transferts contre rétribution. Une honte pour Big Sam qui a été resurnommé Big Shame, la grosse honte, qui admet donc avoir fait une erreur. Il est remplacé par l'entraîneur désespoir Gareth Southgate. Merci Rémi pour les infos. Allez, c'est l'heure de nous offrir 1500 euros tout de suite. Il est 8h07. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio. C'est le le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, on se réveille tous les matins ensemble dans le morning avec toute l'équipe. Tiens, on va faire un petit sondage express. Où est-ce que vous nous écoutez actuellement? Est-ce que vous êtes encore à la maison? Vous êtes dans la salle de bain? Vous êtes au popo? Vous faites petit popo du matin? On fait la petite toilette. La petite toilette du matin, le petit popo. Vous êtes dans la cuisine, vous êtes en train de déjeuner, vous êtes dans la voiture en train d'aller bosser, dans les transports. Déjà au boulot. Vous êtes déjà au boulot et vous nous écoutez. Devant le bahut. Au bahut. Ah, ouais, au bahut, oui, c'est vrai que ça a ouvert là, ça y est, 8h08. Envoyez-nous des photos de vous, où est-ce que vous êtes actuellement. Vous faites un petit selfie, vous nous envoyez ça avec l'appli Skyrock. Et on va voir où est-ce que vous êtes ce matin. Et si vous n'avez pas le temps de faire une photo, vous nous envoyez juste un petit message. Là aussi avec l'appli Skyrock ou avec le 41-759. Ouais. Ouais. Sur tous vos portables. Ah ouais, ça nous écoute. À la maison avec un ouin, j'ai mon café. Au réveil, Sopra 66. Très bien. J'habille les enfants avant l'école. C'est bien, babounette. C'est mieux de les habiller, ouais. Je suis dans mon lit encore ce matin. L'ange Olivier qui se réveille avec nous. L'ange Olivier qui se réveille dans le. Ah, j'ai les messages, j'ai fait tellement vite, je t'ai loupé, l'ange Olivier. Tiens, il y a Andy là, je vous écoute avant un gros DS de physique. Aïe, aïe, aïe. Bon courage, Andy, 16 ans. Ah oui, je te vois, Andy, ouais. Il y a Nirvakert sur la route depuis 7 heures pour aller au boulot. Sur la route. C'est Nirvakert. Sur la route. Eh bien, bon courage. Il y a Doudou aussi dans la voiture. Big up. Big up les voitures. Ah ouais, vous êtes plein à nous écouter en voiture hein, ce matin. Bon, ah tiens, moi je fais un bisou à Vera, une copine italienne. Ciao Vera. Et elle nous écoute de Milan. Ah, ouais. Milano. Ciao, Milano. Vera. Ciao Vera. Baci. On nous écoute pas. Baci, mi amore. Il y a Durex, 31 ans, qui est lui dans une voiture et en plein bouchon sur la 15. Bon courage, Durex. Ah bah il y a Yoshi aussi, tiens, dans les bouchons. Et si ça bouge, Durex, faut mettre un petit peu de vaseline, ça passe beaucoup mieux. Ah ouais. Non, mais je t'assure. Dans mon salon, en train de prendre mon petit déjeuner, ça déjeune chez Shaima. Il y a Alexandra, elle est dans la salle de bain en train de se maquiller. En pleine préparation dans la salle de bain. Eh bien, un jour, vous serez peut-être réveillé par une star. Et ouais, le réveil de star arrive sur Skyrock. Réveil de star surprise après Danny Boone tout à l'heure. Nouveau réveil de star avec une nouvelle star. Ah, attention. Mais je vous dis rien, on va faire surprise. Mais avant ça, allez, on vous offre du 500 pognon. Euros. Mais oui, peut-être une surprise. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Bah ouais, tiens, une bonne surprise. Un coup de fil de Skyrock pour les 1500 euros. Encore mieux que le réveil de star. C'est pour alors vous. Attention, j'ouvre l'enveloppe. Ah, il y a Chacha Moi qui nous écoute dans son taxi. Putain, le nombre de bouchons. Eh, hey, ça bouche en France actuellement, hein. Direction le chantier, tiens, en voiture pour John. Chez qui on va, Romano? Alors, attends, parce que j'ai. Mais t'es un sagouin, tu les déchires mal, ouais. Les enveloppes. Tous les matins, ça pareil. Va, tu vas. Eh, hey, c'est un relou d'Ifoul. Déjà, je lis le journal, je me fais engueuler parce que. Bah, quoi, le journal, il faudrait limite de mettre sous une vitrine en verre pour pas y toucher. Non, mais attendez, je vous explique. Tu décales une feuille, c'est un traumatisme pour d'Ifoul. Il lit le journal, t'as l'impression qu'il l'a froissé, le journal, tellement qu'il est mal. Bah, déjà. T'es un sagouin. Bah, déjà, des fois, quand on le reçoit, il est déjà pas tout à fait propre. Bah, alors, c'est pas une raison pour l'abîmer encore plus. Bah, ouais, mais bon, tu sais, c'est pour. Vous êtes grave, c'est le journal. Moi, j'aime lire des trucs propres. Ah, regarde, arrête. Regarde, c'est ce que j'en fais. Bon, alors, les 1500 euros. Oui. On va à Toulouse. Bon, les Toulousains, les Toulousaines, c'est pour vous. 1500 euros à gagner. Alors, c'est Aurore Gaïdi. Je pense que j'ai déchiré sur le nom de famille. Alors, il me manque des lettres. Je pense que c'est Gaïdi. C'est Aurore, en tout cas. Aurore, qu'on appelle et à qui on va offrir, j'espère, 1500 euros. C'est tombé à Nantes tout à l'heure. Allô, allô. Allô. Bonjour, Aurore. Oui, bonjour. Mais quelle Aurore. Oh oui. Hey. Bonjour, Aurore. Tu es à Toulouse, toi. Nous, on est en direct à la radio ce matin, Aurore. Oui, je suis à Toulouse. Oui. Eh ben, nous, on est en direct à la radio, je te confirme. Et on t'appelle pour t'offrir de l'argent. T'as tiré au sort, Aurore. Et on a une question à te poser. Pour gagner 1500 euros, il faut que tu me dises quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne. Non, c'est pas une blague. Ah non. Si t'as la bonne, c'est très sérieux. 1500 euros en jeu. Hein. Ah ouais, attention pas, la pression. La bonne radio et c'est 1500 euros. Ton nom de famille, c'est Gaïdi ? Oui. Ah, c'est bon. Eh bien, c'est bien toi, Aurore Gaïdi. Alors, Aurore Gaïdi, ta radio préférée, ma chérie ? Skyrock. Tu nous crois pas, je sens que tu es dubitative. Tu dubites ce matin, oui. Eh bien, c'est bien Skyrock et t'as bien gagné 1500 euros, Aurore. Eh ben oui, bravo, bravo, bravo. Allez, bravo. 1500 euros pour toi. Bravo. Eh ben oui, Aurore. Branche-toi sur la radio 100 FM. Tu vois, t'es dessus toi aussi. C'est la bonne nouvelle du matin. Tu viens de gagner en direct sur Skyrock, ma belle Aurore. D'accord, ben, merci. Ben, j'y crois pas, mais. Ouais, bon. Non, mais ça s'entend. Ça s'entend, ouais. Ça s'entend. Oui, ou alors tu joues très bien la comédie. Non, mais je t'assure que c'est vraiment vrai. Romano, montre-lui le chèque pour qu'elle. Eh bien, il est là. Regarde le chèque. Magnifique chèque. 1500 euros, c'est splendide. Signé par Pierre Bélanger, notre boss. Il a signé le chèque. Que j'embrasse très fort et que j'espère qu'il passe un bon réveil. En nous écoutant. Des suceurs. Ah ouais, c'est grave. Bon, Aurore, qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1500 euros? Je sais pas encore. Admettons que ça soit vrai. Ouais, voilà. Bon, Aurore, je sais pas. Branche-toi et tu vas voir, t'es sur Sky ce matin. Oui, je suis au boulot là. Au boulot, on doit écouter Skyrock, c'est obligatoire. Sinon, t'as pas internet, tu te branches sur skyrock.fm. Bien. Ou ton smartphone. Oui, mais il n'y a pas d'écouteurs. Ah bah, l'appli, le téléphone. Il y a un haut-parleur, normalement. Oui, non, mais pas sur ces ordres. Décidément, ouais. On n'a pas de chance. Et ouais. Bon, mais en tout cas, toi, t'as donné. Non, mais c'est chance, gagné, hein. C'est sûr. T'as bien gagné 1500 euros, Aurore. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. C'est bien de te réveiller avec Skyrock le matin. Déjà au boulot. Bravo Aurore, tu travailles et nous on t'offre 1500 euros, mais pas pour ton boulot, hein, c'est juste comme ça, juste parce que c'est coup de Sky. Pour le plaisir. Et ouais, vous aussi vous écoutez Skyrock, répondez Skyrock, vous gagnez 1500 euros. On te fait un bisou, tu vas voir, on va te passer quelqu'un qui va prendre tes coordonnées et très bientôt dans ta boîte aux lettres, t'auras une belle surprise et un beau chèque. D'accord, ben merci beaucoup. Et tu travailles dans quoi Aurore en fait? Je suis assistante vétérinaire. Très bien. Ah, ah bah, vétérinaire. On t'enverra Cédric pour savoir si son opération s'est bien passée aujourd'hui. Voilà, pour la clavicule. Cool. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et une caresse aux animaux. Ah oui. Oh oui. Ah oui, oui, oui. Et à Cédric aussi. Voilà. Bisous, Aurore, raccroche pas. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là là là là, le rêve. Dès le réveil, dès le réveil. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light. Mr. 305. Flo Rida and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. And you know what that means, that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally strikes, 7500, bye-bye. Wild out, shout out. Beehive in the honeycomb. Let's have a good time. Right now, right now. What you waiting for? You only got one life. For real. And we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready to go. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Ah, j'aime bien ce morceau, ça met la pêche. C'était Pitbull les Florida sur Skyrock pour Greenlight. On va écouter Jay-Z et Kanye West. Ah, ça c'est bon aussi. Niggas in Paris. Et là, on a un réveil de star avec une énorme star ce matin. C'est pour ça que je vous ai pas parlé. C'est pour maintenir le suspense, mais on a vraiment du lourd, bout, là. du lourd. On a eu Danny Boone là tout à l'heure. Hier, c'était magnifique avec la star internationale Mathieu Delormeau, qui coulait Boys and Girls. Et aujourd'hui, on va changer de style. Je voulais saluer tous ceux qui nous ont envoyé des photos, toutes celles qui nous ont envoyé des photos. Vous êtes mignonnes, les filles sous la douche. Ah, t'aurais dû faire la photo un petit peu plus bas. Il y a juste la tête sous la douche, Marjorie là. Je suis sous la douche, je vous écoute et je chante. Ah bah c'est bien, tu chantes sur les morceaux qu'on passe. Et puis on salue tous ceux qui sont en voiture. Il y a Joe du 80. 91, 21 ans. Il est en direct de la route, lui, direction de 78. On te salue, John. Salut, Manu. On salue Patricia dans la voiture aussi. Oh, ma Patricia, tu es une tigresse. Elle a un truc. Ah ouais, volant tigré. Ouais. Un volant tigré. Un volant avec une peau de tigre dessus. Bisous, Patricia. Bisous, Manon. T'es mignonne, Manon. Petit déjeuner, toi. Du Nutella. Peut-être que tu me donnes envie. Ah, gourmand, va. Du Nutella, un jus d'orange. Il est super, ton petit déj. Tu vois, on devrait se réveiller ensemble, Manon. Je te fais un bisou. Marion, putain, mais t'es jolie, Marion aussi. Vous êtes jolies, les auditeurs, les auditrices de Skyrock. Ouais. Les auditeurs, bon. Tu veux voir, les mecs? Ça va. Ah, putain, il te ressemble un peu. Il est beau. Vous êtes beaux, les auditeurs de Skyrock. Non, mais aussi. Attends, non, mais sérieux, attends, comment il s'appelait? Il s'appelait Mikabeu. Mikabeu. C'est quoi, c'est le nez? Ouais, un peu. Non, mais le visage en entier, un peu. Il y avait une ressemblance. Ah, Infinity, lui, il est déjà dans son camion. Putain, ça rigole pas, coupe militaire. Hop, à Salon-de-Provence, on nous écoute, le centre-ville est bouché. Ah, pas mal, Bibichou, là. Ah, tu le trouves beau gosse? Ouais, allez, vas-y, on va passer à la suite. T'es jaloux, Romano? Non, mais ça va. Bah, regarde, elle kiffe aussi sur Habib d'Antibes. Waouh, Habib dans la voiture. Bon, on vous embrasse. Bisous, Leslie. Je peux pas tous vous citer, mais c'est super. Voilà. C'est mignon de vous voir tous les matins comme ça. Envoyez-nous des photos, ça fait plaisir, là. Oh, qu'elle est mignonne aussi. Lucie, 30 ans, en voiture. Bisous, Lucie. On te fait un gros bisou, ma chérie. Black Cat, lui, nous envoie la photo de son autoradio c'est branché bon, sur t'es Skyrock. Sur Skyrock. Et ouais, t'es le meilleur, c'est bien. Voici tout de suite notre réveil de star, de grosse star. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Et notre star, c'est lui. Bonjour. Bonjour, monsieur le président de la République. Oh. Eh oui. Je suis président de la République. Oui, tu es François Hollande. Mais oui, François c'est Hollande. C'est bien. Il sait ce qu'il fait. Bah, eh ben, lui, au moins, il est au courant de ce qu'il fait. Ouais, mais c'est bien. C'est vrai, il sait qu'il est président. Vous allez voir. Ça va se lever. Eh ben, oui, on va se lever avec toi ce matin. Ah, bah, ça va se lever. Et... Je sais pas quoi, mais ça va se lever. Je suis dur, ferme. Oh, ouais, mais là, du calme. Il est chaud, François Hollande. Eh, hop, hop, du calme, monsieur Hollande. Et il est ferme. Comment vont réagir les Français réveillés par François Hollande? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec Gérard et la famille de Gérard. On appelle donc dans la famille de Gérard. On a passé un coup de fil avec François Hollande. Voici donc monsieur le président de la République et la famille de Gérard. Oui. Ah, bonjour. La femme de Gérard. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah bah oui, oui, on t'entend. Mais qui êtes-vous? Je suis président de la République. Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Je vais vous raconter une histoire. Oh. Ben, racontez-moi une histoire. Je vais vous parler franchement. Ouais, je m'en fous, allez-y. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Ah bah. Vous avez fait la tournée des bistrots? Mais... Eh ben, vous devez être dans un bel état. Je ne m'en glorifie pas, hein. Oui. Et mon cul, c'est de la soupe. Ah, merde. Oui, c'est moi qui le dis. Et puis vous êtes encore plus con de me dire que vous êtes le président de la République, hein. Mais c'est lui. Si vous voulez, j'ai mis les bouchées doubles. Ah bah. Oui, c'est-à-dire. Tous les pays d'Europe me disent que je suis nul. Ah, bah ça m'étonne pas. C'est pas facile. C'est pas facile d'être nul. Je suis gentil. Ah bon? Ah, vous imaginez que je vous crois? Bah alors, vous prenez vraiment pour la reine des gourdes, hein. J'avais... Ah oui, mais dites-le. Dites-le. Vous me prenez pour la reine des gourdes. Vous avez des informations? Ah oui, moi j'ai des grandes infos. J'écoute les infos comme tout le monde, hein. Moi je n'en avais pas. Ben oui, mais il faut avoir une télé. Mais si vous allez dans les cafés boire vos sous, vous n'aurez jamais de télé, hein. Est-ce que la France, en Europe, peut être la première? Ouais, faudrait peut-être pas déconner non plus. On est tout près du but. Oh non. Alors franchement... vous êtes vraiment le roi, hein? Mais, non, président. Le roi des cons. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cons, thank you very much. Alors, franchement, je vais vous dire, vous êtes encore plus con que je le croyais. Merci, peuple de France. Merci, François Hollande. Merci, François Hollande. Merci à la femme à Gérard. Voilà, son cul, c'est de la soupe. Eh bien, écoutez, j'arrive. Et mon cul, c'est de la soupe. Bien soupe. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, Niggas in Paris, tout de suite avant de jouer ensemble, on va jouer avec l'invité mystère. L'invité mystère arrive. Et iPhone 7 aussi. Ah bah oui, on vous offre l'iPhone 7 si vous découvrez l'invité mystère. On vous le présente dans un instant. Après donc ce gros son de Jay-Z, Kanye West. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even Popey here. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's

Pour le magique anniversaire de But, il est encore temps de venir gagner votre cadeau. Pourquoi ? Parce qu'au grand jeu 100% gagnant, il n'y a que des gagnants. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire modalité en magasin et sur but.fr. Chérie, prends ton maillot, on va chez But. Hein ? Et une piscine chez But ? Non, mais ils nous offrent des vacances. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation Bon Marché Plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kilos, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et on va dire dans un instant, bingo, il le fait mieux que moi. Hein. Bingo, notre invité mystère. Bingo, bingo. Notre série mystère ce matin à découvrir pour gagner l'iPhone 7. Tout le monde a trouvé dans le studio, alors là vraiment vous êtes trop fort. Facile, ah ouais, c'est exceptionnel. Ah bah vous aussi, je vois tous les messages qui défilent. Et on a rarement eu aussi peu d'erreurs. C'est vrai qu'il a une voix un peu particulière. Bingo. Et ouais, c'est un peu le sosie de Cédric. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. On a l'impression que Cédric a servi de modèle à la série. C'est parce ça. Il s'agit d'un dessin animé. On a la réponse qui arrive tout de suite avec Sofiane qui nous appelle Damien. Bonjour Sofiane. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut. Salut, salut. Sofiane. Wouhou. Ouh, il te dit wouhou, notre invité mystère. Et ouais, tu l'as reconnu ? Ouais, c'est Homer, c'est les Simpsons. Et Homer et les Simpsons, oui, c'est une bonne réponse. Fallait être rapide, t'as été rapide et tu as gagné ce matin. Ah, c'est super, c'est cool. Bravo, bravo. Et on va voir, les Simpsons, ils sont très forts. Il faudrait qu'on les fasse d'ailleurs en réveil de star bientôt, les Simpsons, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Avec Homer ou Bart. Bart, ça serait marrant. Bon, on va vous préparer ça. Il y a Marge aussi, il y a une bonne voix de merde. C'est Marge. Cariole, quand elle se réveille le matin, la même voix. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. À 6h du matin, faut écouter le morning. Cariole vous dit bonjour, vous avez l'impression qu'il y a Marge Simpson. Ah ouais, morning. Dans le studio, ouais. Mais ouais. Homer Simpson, c'est bien joué et c'est gagné. Tu viens de gagner ton iPhone 7, bravo. Donc. Super, Sofiane. Merci l'équipe. Bien joué, super. Bravo. Il est pour toi l'iPhone 7. Sympa comme tout. Ah, Homer veut, Homer veut te poser une question, je crois. Coucou, ça va ? Ça va, ça va. Il est content, il est tout con. C'est quoi ta radio préférée ? Oh, bonne question, Homer. Ah, c'est Skyrock, si je réponds. Non, ça marche pas. Non, on va se contenter de l'iPhone 7. Hein. Oui, bien oui. Essayé, quand même. Il est sympa, Homer. Il voulait t'offrir en plus 1500 euros en plus de l'iPhone 7, t'imagines ? C'est fou, ah, ça. C'est cool. Ah ouais. Ouh, t'es vraiment trop beau. Non, moi je fais un carton, ce m'entendre Rémi qui me regarde en se mettant des doigts dans la bouche. Homer Simpson qui veut me draguer. Dans la bouche, les doigts, bon. Ouais, après, bon, c'est pas les plus beaux qui me draguent, hein, mais. Bon, ah, ça c'est clair. Ouais. Je le dis, moi. T'es schlingre, Mano. Merci, Homer. C'est, ah, bah, très c'est sympa. C'est le problème de douche, ça, ce matin. Ouais, ouais. Bon, un iPhone 7 pour toi, Sofiane. Tu sais pourquoi on parle des Simpsons ? Non, je pense que tu ne le sais pas. Non, du tout. On parle des Simpsons parce qu'ils sont un peu comme Jules Verne qui écrivait des livres, on va aller sur la Lune, alors que personne pensait aller sur la Lune. Et bien eux, ils sont pareils, ils font des prédictions, et les prédictions s'avèrent vraies. C'est un peu les Nostradamus, quoi. Ouais, en 1995, par exemple. Ah, je t'ai même pas né, moi. Ben moi non plus. Mais je l'ai appris en me renseignant, Romano. Les Simpsons avaient inventé le Samsung Galaxy GR. Yeah. Ouais, en fait, c'est la montre connectée, ouais. C'est la première montre connectée. Ouais, en fait, c'était Lisa qui... Ah, tu sais ça. Qui communiquait avec son futur fiancé via une montre connectée. Ouais, en 95, c'est-à-dire pratiquement 18 ans avant que ça sorte. Oui, puisqu'elle arrivait en 2013. C'est beau, ça. Hein. Ah, c'est magnifique. Bravo, les Simpsons. En 2000... Ils ont fait un épisode avec Donald Trump dedans, le magnifique et très beau blond Donald Trump, qui était élu président des États-Unis. Mmh. Et en 2016, ça risque d'arriver aux États-Unis. J'espère qu'ils font pas vraiment que des bons pronostics. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que là, ils sont très forts. Et en 1995, les téléphones du futur des Simpsons étaient capables de faire passer des appels en vidéo. Et voilà. Et en 2010, FaceTime a été créé. Formidable. Là, ils avaient 15 ans d'avance, les Simpsons. Ils sont forts, hein. Ah ouais. Ils avaient aussi, c'est comme les dingues. C'est un complot. Oui. C'est un complot. Mais oui, Romano, mais tu as raison. C'est le complot, et d'ailleurs des Illuminati. C'est les Illuminati avec des Simpsons. Et les FBI aussi. Ouais, faut faire gaffe. Ouais, ils avaient même parlé de l'histoire de la viande de cheval. Vous vous rappelez du scandale Spanghero, là, quand il y avait du cheval dans les lasagnes? Ouais, c'est ça, ouais. Et ben, ils avaient eu un épisode en 1996 où ils parlaient de ça. Ils sont très forts, les Simpsons, hein. Mmh. Bravo à Homer, Bart, et à tous les autres. Toute la famille. Lisa, Marge. Maggie. Et Maggie, la petite bébé. La toute petite. Et le chien, Cariole, le chien des Simpsons. Je sais pas comment il s'appelle. Bah, mais si, le chien s'appelle... J'ai un trou. Bah, je sais, oui, bah, ça plusieurs. Non, bah, j'ai un trou qui pue. Ah. Petit Papa Noël. Ah, petit Papa Noël, c'est ça, bien joué. Bravo Sam. Bon, bah, bravo Sofiane surtout. Hein. L'iPhone 7, il est pour toi. Et on va regarder plus attentivement les épisodes des Simpsons. Et on va relever les trucs. Et on va relever les trucs. Parce que je pense qu'il y a un complot là-dessous, moi. Oui. Je pense qu'il y a un complot mondial. Bon, Sofiane, c'est gagné. Allez, l'iPhone 7, c'est parti pour okay, la merde. Bah, merci à vous. T'en vas à la maison. Bah, continuez l'équipe, hein. Je vous écoute tous les matins en allant au boulot. Eh bah, ben, c'est cool. Donc, tu fais quoi comme boulot? Je suis commercial. Très bien. Ah, tu vends quoi? Je vends du parfum. Ah, bah écoute, je vais en prendre pour Cédric. Fais-moi sur un bidon. Je les vends par 1000 litres. Nickel, on va en prendre. On va en prendre 1000. Vas-y, envoie. Bon, on t'embrasse, Sofiane. Ciao. Ouais, moi aussi. Salut. Ciao. À toi. Ciao. Et sur Skyrock à 8h33, on va faire le point sur l'actu et vous offrir 1500 €. C'est déjà tombé ce matin. On a commencé très fort ce morning avec un chèque pour Romain le boulanger. Et à Nantes, il a gagné. Ouais, bien joué. C'est peut-être votre tour, on va aller chez vous. Bonne chance d'avance, mais avant ça, la météo avec Rémi. Le point sur l'actu, Rémi, tout ça avec toi. Le temps du jour, comment c'est ? Eh ben, ça reste couvert ce matin dans le nord. On a de la grisaille un petit peu sur les Hauts-de-France, mais aussi en Normandie, sur le bassin parisien, les Pays de la Loire. Ça va se lever, ça commence d'ailleurs déjà à se lever, va faire beau cet après-midi, pas d'inquiétude. Partout ailleurs, le ciel est bien dégagé. Les températures stationnaires ce matin entre 10 et 18 degrés avec 16 en Ile-de-France. Ça monte cet après-midi, puisqu'il fera de 20 à 29. Et puis la pollution, c'est bien, sauf dans le sud-est. Les indices compris entre 3 et 4, 5 à Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Toulon. Tu vas être content, Rémi. Ah, pourquoi ? Parce qu'on va parler bouffe tout à l'heure. La compile du jour concerne la bouffe et les mauvaises surprises qu'on a eues au self ou à la cantine. Ah, j'en ai eu plein. Ah, bah tiens, justement, tu pourras témoigner. On vous a fait une petite compile du jour. Attention, un truc super appétissant qu'on vous réserve pour avant 9h du matin. Ah, merde, j'ai faim là. Ah, bah tu vois, j'avais pensé à toi. Pour l'heure, bah, c'est les infos et le sport. Un homme grièvement blessé aux mains à Toulouse. Il était au volant de sa voiture quand la batterie de sa cigarette électronique a littéralement explosé. Le feu s'est propagé au véhicule, mais il a réussi à en sortir, à s'arrêter et à partir rapidement. Une plainte a été déposée. Nicolas Sarkozy dans la tourmente après un livre explosif signé par son ancien conseiller Patrick Buisson. La cause du peuple sort demain, mais les bonnes feuilles sont publiées ce matin par-ci par-là dans la presse. L'ancien président n'aurait pas été tendre avec ses collaborateurs. François Fillon, un pauvre type. Chirac, le président le plus corrompu de la 5e République. Des femmes au gouvernement juste pour leur physique. Le président du Sénat, un homme laid. Et encore Christian Estrosi, un abruti avec une petite noisette dans la tête. Pire encore, Patrick Buisson affirme que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a laissé volontairement les émeutes de 2006 contre le CPE. Son objectif était de fragiliser le chef du gouvernement de l'époque, Dominique de Villepin. Enfin, il aurait aidé Jean-Marie Le Pen à avoir les signatures nécessaires, les fameux parrainages, pour se présenter en 2007. Un nouveau concept inventé par Europe Écologie Les Verts, on pourrait l'appeler la primaire bisounours. Quatre candidats en lice, dont Cécile Duflot. Un premier débat a eu lieu hier soir et les quatre participants se sont montrés d'accord sur tous les sujets. Ils admettent que c'est la personnalité qui les départagera et non pas le programme qui se veut commun. Deuxième jour de procès de la chemise arrachée à Bobigny en région parisienne. Pour l'instant, les témoignages sont fragiles à cause de la cohue qui régnait le jour du comité d'entreprise d'Air France. Le DRH avait été pris à partie. Il s'était retrouvé torse nu, entouré d'un service de sécurité débordé. 15 personnes sont jugées dans cette affaire. Et le point sur le sport maintenant avec du foot. La deuxième journée de la Ligue des Champions, c'était hier et ça continue ce soir. Et ça continue ce soir avec PSG Ludogorets, coup d'envoi à 20h45. On va suivre tout ça, bien évidemment, dans la Radio Libre. Je vous le rappelle, il y aura bien Aurier, hein, malgré sa condamnation. Il a fait appel, donc il est sélectionnable, aucun souci. Et il n'y aura pas Ben Arfa, par contre, qui lui s'est blessé au tibia, donc pas de chance pour Ben Arfa, qui reste à la maison. Je vous le rappelle donc, 20h45, à Bulgarie, en Bulgarie, à Sofia, pour être précis. Hier, c'est Lyon qui s'est incliné à 1-0 contre Séville. Lyon désormais troisième de son groupe, alors que Monaco concède le nul dans les toutes dernières minutes, un but partout, face au Bayer Leverkusen. Ouf pour les Monégasques qui restent premiers de leur poule. Ah ouais, on a cru qu'ils allaient perdre, et à la dernière minute, on a vu le but. On a suivi hier soir en direct, et ce soir, c'est le PSG qu'on suivra. Eh ouais. Merci Rémi pour les infos. Et puis il y aura l'Europa League avec Saint-Etienne et les autres. Ah oui, ça c'est. Ça c'est jeudi. Bientôt. Demain. Demain. Eh ben oui, on est mercredi. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on est déjà mercredi. Et voilà, fond sur l'actu. Hein. Il est. Il est au courant de tout. On est mercredi. À fond sur les jours. Ouais, voilà. On est le 28 septembre. Note bien. Ah oui. Allez, et puis on parle bouffe avant 9h du matin pour te faire plaisir. Ouais. Il est 8h37. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. J'ai l'enveloppe des 1500 euros. On y revient tout de suite. Les conseils pas chers arrivent juste après. On va parler coaching. Ah, on va parler coaching. Et tu voulais poser une question ce matin, Romano. Ouais, est-ce que vous connaissez quelqu'un de bordélique ou est-ce que vous l'êtes vous-même? Parce qu'on en parlait hier soir dans la radio libre avec un auditeur qui était assez bordélique. Enfin, sa mère trouvait qu'il était bordélique et lui, sa chambre pour lui était bien rangée. Ouais. Donc on en a parlé hier et ça t'a donné une idée, mais c'est dingue. Comme tu t'inspires de tout, Romano, tu t'inspires même de la radio libre, c'est magnifique. Mais c'est ça, pour gagner du pognon, faut s'inspirer de tout. Donc vous connaissez quelqu'un de bordélique, c'est bordélique chez vous, bah, vous pouvez nous envoyer des photos. D'ailleurs, hein, si vous voulez, au 41759 ou sur l'appli Skyrock, vous nous envoyez tout ça. Envoyez-nous l'étendue des dégâts, ouais. Ouais, qu'on juge un petit peu tout ça. Vous savez que, Cariole, il est ok, Romano, non? Bah oui, complètement. Hier, il a passé la soirée à regarder les photos des chambres des auditeurs, il espionnait tout. C'est vrai? Il voyait qu'il y avait. C'était pas hier, c'était avant-hier. C'est avant-hier, ouais. Je sais plus. Si, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Toi aussi, va prendre les jours avec Rémi. Hein. Il a été toute la soirée le nez collé sur l'écran pour regarder les photos de vos chambres et après, il espionnait, était là. Ah, mais là, il y a un sopalin, il s'est branlé avant lui. Ah. Non mais c'est sûr. Non mais comme je disais, moi j'adore. Là il y a une poussière. Oh, il y a une poussière sur la table. Non mais Cariole, de toute façon, elle est d'accord avec moi parce qu'elle fait pareil. On adore regarder chez les gens, nous. Ouais. Si un jour vous voyez deux pères dieux qui regardent chez vous, bizarre. Ouais. C'est Cariole. On regarde, on observe. Bon, vous envoyez vos photos, vous nous dites et puis dans un instant on va donc gagner de l'argent avec une histoire de rangement. Ouais. Ok. Attention, ça va. J'espère que ça va ramener du cash, quoi. Il y aura l'horoscope de l'amour, la compile du jour qui concerne ce qu'on bouffe à la cantine et dans les selfs. Ah ouais, vous avez déjà mangé un truc dégueulasse, on vous demandera vos témoignages dans un instant. Préparez-vous. Ouais. Commencez à y réfléchir. Et tout de suite, attention, on arrête tout, c'est l'heure de gagner 1500 euros. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui, et un chèque à gagner. Tout à l'heure, j'ai ouvert l'enveloppe du gagnant. Est-ce que je vais vous porter chance juste? Bah moi aussi, j'en ai ouvert une. Hein. Mais pas de gagnant. Bah si, à 8h, c'était moi. Aurore. Mais oui, Romain. Aurore de Toulouse. Bon, bah on va voir si je vais vous porter chance. Bah oui, c'est vrai, t'as ouvert l'enveloppe d'Aurore. Ouais, mal d'ailleurs. Ah oui, mal, c'est vrai, je me rappelle. Oui, mais bon, c'est tombé quand même. Bon, bah là, on va voir si ça tombe. On file dans le 91. Si vous êtes dans le 91, il y a 1500 euros à gagner sur Sky. On va à Morsan-sur-Orge. J'étais sûr que j'allais me planter. On va. Morsan-sur-Orge. Voilà. Tu commences à dire un truc, tu sais que tu vas pas arriver au bout. On va à Morsan-sur-Orge. Demande-moi pour la diction, hein. Bien sûr. Morsan-sur-Orge. Allô? Chez Audrey Sanson. Bonjour, Audrey. Ah non, c'est pas Audrey, elle est au travail, c'est la maman. Bonjour, la maman d'Audrey, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux, oui, oui. Bah écoutez-nous, ça va. On vous appelle en direct à la radio ce matin, c'est pour vous offrir de l'argent, Madame Sanson. Oui. On va vous poser une question, si vous avez la bonne réponse, on vous offre 1500 euros, c'est magique, hein? Oui, c'est magique, oui. Magique. Il faut me dire, quelle est votre radio préférée, Madame Sanson? Qu'est-ce que vous écoutez, dites donc, Madame Sanson? En radio? Oui. Oui. Bah, pas grand-chose, parce que je m'aimais beaucoup de CD. Attendez. Oui. À 8h50, c'est bon. Non, ça, son mari, il est sous. Ah. Il est sous. C'est pas grave. Voilà. Il est sous. Ça veut dire énergie comme ça, parce que comme je sais ça. Pas. Oui. Écoutez, non. Non, c'est pas ça. C'était Skyrock au téléphone, Madame Sanson. C'est Skyrock, bah oui. Non. Et voilà, exactement. Skyrock. Non, moi j'écoute beaucoup de CD. Vous avez raison, bah oui. Non, et puis de toute manière, moi je sors d'une grosse maladie, j'ai eu deux grosses opérations. Bah écoute, on va vous souhaiter un prompt rétablissement, Madame Sanson. Oh là, non, c'est un cancer. Je le fais quand même. Bonne journée, Madame Sanson. Merci. Bon courage, au revoir. Bon courage à vous. Oui, merci. Eh ben on aurait bien aimé lui offrir 1500 euros, malheureusement, on peut pas. Eh ben non. 1500 euros, on garde le chèque pour tout à l'heure, 1500 euros. Si vous répondez pour tout à l'heure ou la prochaine fois, hein. Bah oui, inscrivez-vous en attendant au 720 1500 au 720. Ah bah non, pas tout à l'heure parce qu'il est déjà 8h41. Mais vous pouvez passer vite. Vous pouvez vous inscrire 24h sur 24. Exactement, ouais. Vous vous inscrivez maintenant, vous appelez demain. 1500 au 720. Ou peut-être avant parce qu'on est complètement ouf, on sait jamais ce qu'on peut faire dans l'émission. Hein. 720, envoyez 1500. On a bien noté, Romano, c'est bien. T'as des actions, tout le monde a bien noté. T'as des actions là-dedans. Bah évidemment, Bon, 21 Pilots avec Ryan tout de suite et vos conseils pas chers, on va parler bordel dans la maison. C'est le bordel, on s'en occupe sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Time on my ride. Avec Ride à 8h44, on fait les conseils pas chers et ce matin on va parler du bordel à la maison. Ouais. Chez moi c'est super bien rangé. T'as ouais. Le vieux blanc. Ouais. Bah dites oui, quelque bah, chose j'ai, derrière. J'ai vu mieux. Bah viens tout à l'heure, tu vas voir. T'as toujours tes piles de feuilles. Ah ouais, parce que je travaille. Un mur entier. Oui, parce que je travaille tout le temps. Oui. Ouais, donc ah bah, non, c'est le bordel. Donc. Ah non, non, non mais ça, moi je supporterais pas chez moi. Bah, c'est mon bureau, les trucs de dessus. Bah non, non, non. Bon, complètement maniaque, Romano. Il y en a des maniaques comme toi. T'as vu les messages qu'on a reçus? Ouais. Il y a des beaux, maniaques. Leslie nous envoyait un message en disant je supporte Romano, moi aussi, je ne supporte pas la moindre poussière dans ma maison. Bravo, Leslie. Ah, mais ouais, je sais pas. Et puis les trucs qui traînent, j'aime pas trop, tu vois. Bah oui, mais bon. Non, mais tes trucs là qui traînent, moi, ça passera à la benne. Mais ça. Les papiers, je vais pas les ranger. Alors, bah je vais rebosser. Non, mais je bosse le matin, je vais rebosser le soir, je vais pas ranger les papiers. Non, mais ça va, genre, t'as l'impression que t'es quoi, t'écris un livre ou quoi? Non, j'écris pas un livre. Je fais de la radio sur Skyrock et ça se travaille, Robin. Bah, bien sûr. Genre... On part à la recherche des meilleures infos, des meilleures nouveautés, tout ça, ça demande du boulot. Ouais, ouais. Bon, alors, fais-nous ton conseil. Bon, alors, moi, ce matin, je deviens coach en rangement. Oui. C'est un nouveau service qui est proposé. Il y a des entreprises qui existent. Vous ne savez plus comment ranger votre logis. Vous avez besoin d'aide pour vous mettre à l'ordre. Vous manquez d'espace. Le rangement est un art qui peut se maîtriser si on est bien guidé. Il y a une chinoise, une japonaise aussi qui fait des tutos sur internet et la meuf, en fait, elle a tout un système de pliage. Par exemple, un jean, elle t'en fait un tout petit truc. Ouais, mais après, elle est tout froissée. Non, non, bah justement, non, c'est des pliages spéciaux et elle a toute une technique. Mais genre, elle te fait, elle te prend un t-shirt. Mais t'as l'impression que c'est un carré de tissu, quoi. Ouais. Tout j'ai une copine qui achète des alors je sais pas, j'ai vu ça, je crois que c'est japonais. Elle achète des t-shirts qui tiennent dans un paquet de cigarettes. Elle sent le t-shirt du truc et elle peut le mettre directement. Mais c'est pas Uniqlo qui fait ça? Si, je crois que c'est ça, Romano. Peut-être bien, ouais. Ouais. Parce qu'on est premier sur la mode à Skyrock. Mais ah, complètement. C'est quand même la Fashion Week. J'aime bien les messages que vous nous avez laissés. Lutès 75, 20 ans, qui dit, moi, je dis que c'est pas le bordel chez moi, c'est juste rangé à ma façon. C'est exactement c'est ce ça. Que je disais à ma mère. Félice, ma femme dit que je suis bordélique, mais pour moi, c'est elle qui est maniaque. Je ne le suis pas, elle est saoulante, comme Romano. Ouais, saoulante. C'est ça. Et Romano, attends, je vais lui faire un malaise. Regarde la photo que nous envoyait Marine. 33 ans, c'est chez elle. Ah mais c'est une porcherie, je suis désolé de te le dire Marine, mais là bah, non mais moi je peux pas vivre là-dedans. Quel est le problème Romain? Bah il y a du linge partout. Bah oui, mais il mettre quelque part le. Oui, non mais je sais pas, t'as pas un panier de linge sale ou une armoire? Bon, un jour Romano il t'appellera Marine, il va garder ton numéro pour te vendre un panier pour mettre ton linge sale dedans. C'est possible. En tout cas, ce matin, je suis coach rangement. Oui, c'est parti pour les conseils pas chers. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, mais vous voulez que j'appelle les flics ? Jean-Mano, le roi des escrocs. Eh bien, on y va, donc, tu es coach rangement. Tu sais, c'est un de mes trucs préférés, dire aux gens que c'est des salles. Bah, tu peux, tu vas pouvoir y aller comme un ouf. N'hésite pas. Vas-y, on en a prévu quelques-uns, on en appelle, on les a pris dans la bière. Je sais qu'à chaque fois, les gens, ça les fout à bout de nerfs, en général. Vous êtes un sale. Sale. Tu vas lui dire, à lui? Bah, allô? Oui, bonjour, madame. Attendez, je vais passer mon mari. Vous parlez très fort. Mais vous pouvez parler, vous, hein? Merde. Galère. Allô? Oui, bonjour, c'est Roland. Ouais. Ouais, bonjour, comment vas-tu? Hein? Voilà. Repasse le téléphone à ta femme, s'il te plaît. Elle t'a prévenu, hein. Oh, pas plus fort, ouais. Ouais, ouais, bah là, attends, je vais pas me péter les cordes vocales non plus, hein. On repasse le téléphone à ta femme. Je passe ma femme, ouais. Bien, prends-le. Ta femme! Tu vois, lui me comprend. Ouais. Faut se péter le cordes. Ouais, il paraît plus fort. Ah ouais, il paraît plus fort, ouais. Allô, la femme de Roland? Oui. Oui, bon, dites voir, je vous appelais là. Je me suis permis de regarder chez vous l'autre fois quand la porte était ouverte. Allô? Oui. Oui, oui, oui. Et dites voir, vous êtes pas une maniaque du rangement, vous, hein? Et du ménage non plus, d'ailleurs. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? Bah, que la baraque, elle est un peu cracra. Vous êtes rentré dans la maison? Bah, non, là, putain, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai regardé, la porte était ouverte. J'ai jeté un œil, mais je l'ai récupéré, hein. Oui, l'œil, il est pas dans la maison, hein. Vous inquiétez pas, je l'ai fait revenir. Il est complètement en orbite, là. Oh, c'est des conneries, ça. Ah non, mais c'est pas bon. Des conneries. Bon, dites voir, c'est tout sale chez vous, tout mal rangé. Je vais venir, je vous prends 100 euros pour mettre la maison nickel. C'est parti. Allô? Ouais, en même temps, là, vous m'avez pas facilité la tâche, là. On dit pour rien, c'est au hasard, Robado. On prend des numéros comme ça, non? Roland, un petit peu dur de la feuille. Très légèrement. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je suis en train d'hurler. Plus fort! Pour que Roland soit un de nos auditeurs, faudrait que je parle comme ça le matin. Bonjour! Bienvenue sur Skyrock! Non, mais surtout que t'habites à côté de chez Roland, voilà la. Allô? Jean-Claude. Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Claude. Comment? Vous êtes la. C'est la série des sourds. Vous êtes la femme à Jean-Claude. Je ne m'entends pas, monsieur. Ouais, bah oui. Ouais, c'est la femme à Jean-Claude. La femme de Jean-Claude, elle est sourde comme un pot. Et vendez son automne, on va nous trouver trop bien qu'on s'est caché. Ah bah ouais, attends, le troisième, on va voir. Elle est partie, elle aussi? Enfin, le troisième va quoi? Elle va être muet, peut-être. Ah ouais. Alors. Allez, c'est un autre Jean-Claude. Tu crois? T'as pas un autre prénom? Au lieu de coach, t'aurais dû faire son automne. Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Claude. Oui. Ah, vous m'entendez bien, vous, ça me fait plaisir. Il est là, le père Jean-Claude, ou pas? Il est là, le père Jean-Claude. Ah, parce que, dites voir, j'ai regardé chez vous. Bonjour. Ouais, Jean-Claude, comment tu vas? Ça va. Eh, d'Ivoire, j'ai regardé chez vous l'autre fois en passant là devant votre baraque là. Ouais. Ah bah dis donc, vous êtes pas des maniaques de l'hygiène vous, hein? Pourquoi? Bah c'est un peu dégueu chez vous. Qu'est-ce qui est dégueu? Bah je sais pas, il y a des trucs qui traînent, tout ça, c'est tout cracra, c'est le bordel. Moi je vais venir nettoyer un peu tout ça là, Jean-Claude. Bah, attendez, vous êtes où là? Vous m'appelez? Bah je t'appelle chez toi, Jean-Claude, dans ta maison qui est moyennement propre, tu sais. Ah bon? Mais tu t'en rends pas compte? Jean-Claude. Oui. Oui, je vais venir nettoyer la maison et en bonus, je vais te laver le zizi. N'importe quoi. Pourquoi tu veux lui laver le zizi? Bah, parce que je suis coach rangement et tout ça, nettoyage. Jean-Claude. Oui. Je pourrais te laver ta nouille. Pourquoi? Oui, très bien. Au départ, il était parti pour faire le ménage, il va nettoyer Jean-Claude maintenant. Alors, je nettoierai également ta femme. Oui. Je nettoierai la zézette. Oh. Oui. Bon, alors, je t'explique le tarif. Pour le petit ménage, le rangement, c'est 100 euros. Pour le nettoyage de ton zizi, c'est 50 euros. Et pour la zézette de ta femme, 50 euros. Le tout pour 250 euros. Bien vu. Beau calcul. Jean-Claude. Oui. Je me pointe dans 5 minutes. Tu quoi? J'arrive dans 5 minutes. Si tu veux. Ah ben je viens, puis je vais faire du rangement, ça va pas du tout, hein. Ouais. Prépare le gel douche, tous les produits, je vais être tout foufou. Eh ben, à tout de suite, mon Jean-Claude. Ouais. Bisous. Bisous. À tout de suite, ma poule. Ouais. Il est content qu'il lui laisse la main. Non, ça tient. Ah, bah, attends, heureux comme tout. 8h51, avant 9h, on fait la compile du morning. Tous les matins, la compile du morning. J'aime bien ça, la compile du morning. On va faire aujourd'hui la compile des mauvaises surprises à la cantine ou au self. Ah oui. Si vous bouffez à la cantine ou au self, bah, moi, je me rappelle. Attention, danger. Quand il y avait de la sauce, t'avais la moitié, par exemple, une sauce à la tomate. T'avais la moitié de rouge en bas et au-dessus, t'avais une espèce de grosse pellicule, une autre moitié, donc, de gras. Ouais, avec des yeux. Fallait mélanger, ça faisait des yeux, Romano. Ouais, ça fait des espèces de bulles dégueu. Ah, ça, ça me dégoûte. Ouais, moi aussi. C'était à la cantine, ça. Si vous avez de bonnes expériences ou des mauvaises, surtout les mauvaises, à la cantine, vous nous dites les mauvaises surprises à la cantine ou au self. On en parle dans la compil du jour. L'horoscope arrive dans une minute et le son, on a prévu DJ Snake et Justin Bieber. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, là, c'est pas bon. Ah, pour Lidl? Ah non, pour nous. Ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix, c'est plein pot. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup, hein. En ce moment, par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins d'un euro les 4. Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Pas de pot, hein, c'est le vrai prix. Ah, oh, on est mal. Mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Kiabi, colore la vie. Pour que l'automne ne rime pas avec monotone. Oh, craqué pour les nouveaux pulls Kiabi. Il y en a pour tous les styles et toute la famille. Pull à frange, imprimé jacquard, esprit kimono. Et pour vous, mesdames, ce gilet mi-long à manches longues, 5 coloris à seulement 12€. Oh, les nouveaux pulls Kiabi. Ça réveille l'automne. Du 28 septembre au 11 octobre. Conditions en magasin et sur Kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Et l'horoscope de l'amour tout de suite sur Skyrock avant notre compil du morning. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Les puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. Voici le verdict. 0 pour les vierges et les poissons aujourd'hui. Vous aurez tendance à vous inquiéter pour rien. Restez zen, restez tranquille et vous passerez de meilleures journées. 1 sur 5 pour les capricornes et les scorpions. Vous direz ce que vous pensez aujourd'hui parce que nous, on est francs, nous. Ouais. Que ça plaise ou pas d'ailleurs, ça risque de vous faire certains, vous attirer certaines inimitiés, comme on dit. Les capricornes et les scorpions, vous avez 1. 2 sur 5, les lions et les verseaux. Célibataires, attention, vous emballez pas trop vite. Et pour les couples, prenez un peu plus de temps pour votre partenaire aujourd'hui. 3 sur 5, les taureaux et les gémeaux, c'est une bonne journée pour prendre soin de vous. Et une bonne nouvelle aussi, puisque les autres prendront soin de vous également. 4 sur 5, les béliers et les balances en couple. Votre histoire va prendre encore plus d'importance. Wow. Magnifique. Et pour les célibataires, la journée est favorable à une belle rencontre. Et sinon, 5 sur 5, on termine avec les meilleurs, les cancers et les sagittaires. Ouais, comme moi. Bravo. Allez, là, qu'est-ce qu'elle est pas modeste, là. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça raconte. C'est de l'humilité, ça t'étouffe pas, toi. Non, c'est clair. Alors, cancer, sagittaire, 5 sur 5, journée de succès sur le plan affectif. Tout le monde va craquer sur vous, ah, c'est super. Bravo à vous et dans un instant, bon appétit. On file à la cantine ou au self. Vous avez eu des mauvaises surprises à la cantine ou au self. Ça défile, il y a plein de messages. Hein. Plein de mauvaises surprises, ce sera juste après. DJ Snake. I used to believe. Et Justin Bieber. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. you give up. Nah, nah, nah, I won't give up. Love You sur Skyrock, DJ Snake et Justin Bieber. Et des sons à gagner sur Skyrock, il y en a plein. Tous les sons que vous voulez, tous les sons sur Deezer, ils sont pour vous. On va vous offrir votre abonnement Deezer, l'abonnement Premium Plus, le meilleur. Ouais. C'est à gagner à l'occasion de l'arrivée de Skyrock sur Deezer. On vous file votre Deezer pendant un an. Donc vous pouvez télécharger les sons, vous pouvez les stocker, vous avez tous les sons du monde. Les écouter sans connexion. Protestant pendant un an à stocker tout ça. Hein. Ouais, allez-y. Ouais. Achetez-vous des disques durs. Ah ouais, c'est clair. Vous voulez gagner ça, c'est facile. Vous inscrivez au 72020. Vous envoyez roulette au 72020. Et puis on vous tire au sort et on se retrouve en direct sur Skyrock. Déjà, c'est sympa. Et en plus, on fait tourner la roulette et vous repartez avec votre Deezer pendant un an. Allez-y, 7-20-20, roulette. Et c'est pour vous. C'est l'heure de la compile du morning maintenant. Allez. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors, on parle de ce qu'on va manger à midi. Si vous allez manger au self ou à la cantine, après le boulot ou après le bahut, eh bien, faites attention. J'ai les messages qui défilent et il y a plein de messages que vous nous laissez. On a Ophélie qui nous envoie, elle a 18 ans, Ophélie, dans le 84. Bisous, ma chérie. Qui nous dit, quand j'étais cantinière, ah, toi, t'as été au cœur de la machine, comme on dit. Quand j'étais cantinière, le truc le plus dégueu, c'était quand je voyais que la sauce, c'était de l'eau et de la poudre. Ah ouais, ouais, ça. Ah ouais, quand tu vois la préparation et que tu vois ça, ce sera sans sauce pour moi aujourd'hui. Voilà. Moi, tu sais que même dans des restos, c'est pareil. Hein. Alors, il y avait un écrou dans ma Macédoine. J'ai croqué dedans et c'était pas super bon. Mais c'est à quoi de péter les dents? C'est Bob de Rouen. Bah, je te comprends, Bob de Rouen. Un écrou, c'est pas super. Ouais. Puis si tu l'avais lâché, merci quoi. Bon, en tout cas, c'est pas mal parce qu'il y a du fer et le fer, c'est bon pour la santé. Ah ouais, bah là, t'as pris ta dose. Là. Je serais toi, je l'aurais fini mon écrou, Bob de Rouen. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, à la maternelle, le pire, c'était les haricots, les petits pois, vert fluo et la viande dégueu qu'on était obligé de manger pour donner le bon exemple. Ah oui, genre t'étais... Nana qui était traumatisée. Genre, tu t'occupais des enfants, quoi. Ah ouais, t'étais obligé de goûter avant les gosses. Ah bah ouais. Oui, là, bah, si déjà, toi, tu dis c'est dégueu et que tu t'occupes des gosses, ouais, les gosses, ils y toucheront pas. Hein. La dernière fois, dans la salade... Ah bah ça, c'est une cantine au bahut. C'est Kevin qui nous envoie un message. Dans la salade, il y avait de la terre. Oh, et bah, elle était bien lavée. Ça, non, mais ça prouve qu'elle est naturelle, au moins. Oh oui, c'est vrai. Qu'elle a pas poussé dans des trucs en plastique. Oui, mais après, ça se lave, quoi. Aussi, c'est vrai, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la compile du jour? Alors, c'est parti. Ah oui, on va commencer... Avec le numéro 3. Numéro 3. Et on va commencer en allant sur la Côte d'Azur. Alors, dans une cantine scolaire, la cantine du collège Malraux, ils ont trouvé des asticots dans la bouffe. Ouais. Ah, très bien, sympa. Mais eux, au moins, ils ont prévenu les élèves. Ouais. On vous prévient, les asticots, bon appétit. Non, non, le problème, c'est qu'ils ont prévenu après qu'ils aient fini de manger. Ouais, on est obligé de vous dire. Donc derrière, j'imagine que tout le monde a vomi. Ah. Des asticots dans la bouffe. Eh, attention, il y a des asticots dans la bouffe, vous avez bien mangé? Bah, si c'est dans la salade, ça fait un peu de viande. Oui, on le dit souvent. Enfin, comme c'est de lardon, quoi. Donc, à Cagnes-sur-Mer, au collège Malraux, on mange bien, dites-donc, là. On n'ira pas. L'alerte a été donnée quand les élèves avaient terminé leur plat. Ah bah ouais, sympa. Ouais. Numéro 2. Alors là, on va filer, c'est tout neuf. Hein. Ça s'est passé ce lundi. C'est les demi-pensionnaires du lycée Manès France à Barlin, dans le Pas-de-Calais. On vous salue si vous nous écoutez, d'ailleurs. Barlin, dans le Pas-de-Calais, qui ont manifesté dans la cour du bahut pour que la cantine s'améliore. En effet, ils ont des problèmes. Témoignage d'Alexandra, une élève. J'ai retrouvé une mouche dans mon pain. Ah merde. Ces petites surprises, c'est comme les Kinder Surprise. C'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Avec une surprise dans votre pain. Bon, ça fait comme un pain au raisin. Pareil. Mais c'est bien vu, ça. Ouais, franchement, une fois cuit. Non, c'est vrai. Hein. C'est à peu près la même couleur, la même forme. Bah, un peu viande. D'autres lycéens en ont eu aussi. Ah, t'étais pas la seule. Et c'est bien, ils ont pensé. Du pain aux mouches. Ils ont pensé à tout le monde, le pain aux mouches, oui. On retrouve également des cheveux dans nos assiettes. Ah, c'est les miens. Tu devrais y aller. Merci de me les rendre. Récupère-les, ouais. Et quand on nous sert, personne ne porte de gants, explique Alexandra, une élève. En effet, c'est pas mal non plus. L'hygiène est quelque peu douteuse. Au lycée Manès France à Barlin dans le Pas-de-Calais. Numéro 2 de la compile du jour. Numéro 1. Ah, le numéro 1. On va dans le 72, dans une ville qui s'appelle Ballon. On est dans la Sarthe. Un professeur de maths et quelques élèves du collège ont trouvé dans leurs assiettes des verres. Oh. Et dans leur assiette de nouilles. Donc ils avaient des nouilles et des verres. C'est à peu près la même forme aussi. Hein. C'est ouais, vrai. C'est vrai. Si c'est des spaghettis, ça passe. Et puis c'est rigolo, je veux dire. Je sais pas quel âge. Là, ça bouge, tu galères à les attraper. Je sais pas quel âge ils avaient, mais bon, t'as 11 ans, tu viens de rentrer au collège, tu peux jouer avec. Allez, moi, je trouve ça ludique. On attrape les verres, mais oui, Romano. Bon, heureusement, l'incident n'a pas intervenu dans les exécutions alimentaires. Ouais, mais c'est quand même bien dégueulasse. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Personne intoxiqué, mais bien dégueulasse quand même. Ah bah attends, c'est rassurant, vous avez bouffé des verres, mais vous ne serez pas malade. Voilà pour notre compile du jour, la compile des très mauvaises surprises à la cantine.

fois je déraille. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de l'autre bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. Je pète Nax, véritable. Dans ce de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTFI, GTM, ZTB, Zoo. Même adresse, personne ne nous inquiète. Dans le vide, j'vois le monde en entier. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, le morning en direct tous les matins dès 6h sur Skyrock. On a encore passé une super matinée, mais c'est pas fini. Dernière ligne droite du morning avec Steven en Amérique, qui nous appelle de Savoy. Savoie donc en français. Oui, de 73. Salut Steven. Salut Steven. Alors, petite présentation. Steven, t'as 28 ans. Bon, on sait que tu te réveilles avec Skyrock le matin, c'est bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur sur les engins blindés. Chauffeur sur les engins blindés. Mais t'es quoi, t'es dans l'armée? Je viens de finir il y a 4 mois et là je viens de trouver un boulot sur la Savoie, chauffeur d'engins, tout ce qui est pro BTP, etc. D'accord, ok, très bien. Non mais c'est bien, vous faites plein de trucs. Chauffeur d'engins blindés, pour l'argent que gagne Romano dans les conseils pas chers, on peut t'en louer un, non? Pourquoi dedans, pas, toi, Gasper? Parce qu'il est parano après. Hein. Oui, un petit peu. Ouais. Plus il gagne de l'argent, plus il est parano. Tu devrais me le donner, Romano, ça te rend malheureux, tout ça. Mais si. Allez, la roulette qui va tourner, Steven, on y va pour Deezer. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock à Deezer. Et ouais, Skyrock débarque sur Deezer et Deezer débarque dans la roulette. T'as abonnement premium pour choper tous les sons que tu veux, écouter tous les sons que tu veux, illimité évidemment. C'est pour toi, Steven. Quand tu auras dit stop. Bien beau. C'est la roulette. Oh, Carriole vient de te faire. Elle est toute émoustillée. Ouais. Un stop qui émoustille Carriole et qui fait plaisir puisque tu gagnes l'abonnement à 10h, le Premium Plus. L'abonnement Premium Plus, il est pour toi. Bravo. Ah, c'est gentil, assuré. T'as bien assuré toi aussi, Steven. Bien joué. Il y en aura d'autres à gagner tout au long de la journée avec toute l'équipe et avant midi avec Fred qui arrive tout de suite là. Ouais. Bonne journée dans ton blindé, Steven. Merci, bonne journée, continuez comme ça. Eh ben, bise à toi, salut la Savoie. T'étais où en Savoie? Sur Saint-Jean-de-Maurienne, dans 73-300. Très bien, 100.5 pour écouter Skyrock à Saint-Jean-de-Maurienne. Big up Saint-Jean-de-Maurienne, big up la Savoie. Salut. Merci, Steven. Vous assurez. Ciao. Alors, le zap du morning, ça c'est le bon moyen pour savoir tout ce qui s'est passé ce matin, ou presque, hein. Pour savoir tout, faut être là dès 6h. Hein. Ouais. Entre 6h et 9h, vous écoutez le morning, on a fait deux heureux pour les 1500€, on a offert plein de téléphones de partout. Et voici tout de suite ce qui s'est passé ce matin. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Et Danny Boone va réveiller ce matin la famille d'Alain. On va voir comment ça va se passer, le code contact va être bon avec le nordiste. Voici Danny Boone et Alain. Au début, quand on commence à parler de ch'ti, faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Moi je suis picard en fait. Hein? Il faut que ça sorte de l'eau là. Moi je vais aller voir les flics, hein. Je suis contre la violence entre les êtres humains. Bah ouais, mais bon, quand même, hein. Bon, mais j'ai du courrier à distribuer. Ouais, vas-y, bon courage. Puis tu viens boire un coup à la maison quand tu veux, hein. Puis à demain. Ouais, demain. Allez, salut. Demain. Le vaccin contre la rage. Qu'est-ce que c'est? C'est l'animal. Ah, c'est l'animal, c'est lui qui a la rage. Ah ouais, c'est terrible. Ah oui. Moi, j'ai la rage. Grrr. Et la rage, tu le vois quand tu baves. Et c'est vrai, bave souvent, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Un gros baveur. Mais c'est genre quand t'as la rage, tu c'est comme dans les films, tu mords les gens à côté de toi. Tout. Ouais, mais bien sûr. Tu te transformes en loup-garou, t'as les oreilles qui poussent. Et t'as surtout la queue qui pousse au niveau de l'anus. Oui, bonjour, c'est Roland. Ouais, bonjour, comment vas-tu? Hein? Voilà. Repasse le téléphone à ta femme, s'il te plaît. Elle t'a prévenu, hein. Oh, pas plus fort, hein. Ouais, bah là, attends, je vais pas me péter les cordes vocales non plus, hein. On repasse le téléphone à ta femme. Je repasse ma femme, Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Claude. Comment? Vous êtes la... C'est la série des sourds. Vous êtes la femme à Jean-Claude. Je n'entends pas, monsieur. Ouais, bah, oui. Ouais, c'est la femme à Jean-Claude. La femme de Jean-Claude, elle est sûre comme un pot. Et vendez son automne, on va nous dire trompé qu'on s'est pas cher. Ah bah ouais. Monsieur Romain Hougon. Oui. On est bien à Nantes. C'est ça. C'est bien. Nous, on est bien à la radio. J'allais donner le nom de la radio comme un pot. Salut Romain. Tu nous écoutes? Ah bah parfait. Hey. Ah bah, écoute, on va te poser la question alors, puisque tu écoutes, Romain, écoute bien ma question. Quelle est ta radio préférée? Et c'est gagné. Bravo! Et bravo. Voilà, premier gagnant ce matin. Bien joué, Romain. Putain, c'est bon ça. Nous, on est en direct à la radio ce matin, Aurore. Oui, je suis à Toulouse. Oui, et ben nous, on est en direct à la radio, je te confirme. Et on t'appelle pour t'offrir de l'argent. T'as tiré au sort, Aurore. Et on a une question à te poser. Pour gagner 1 500 €, il faut que tu me dises quelle est ta radio préférée. Skyrock. Eh bien, c'est bien Skyrock. Et t'as bien gagné 1 500 €, Aurore. Eh ben oui, bravo, bonjour, Aurore. Bravo. Allez, bravo. 1 500 € pour toi. Ben, merci beaucoup. C'est bon, en fait, elle nous a cru, Aurore, parce que Aurore, elle nous croyait pas du oui, tout. Oui, elle avait des gros doutes, ouais. Allô, au standard. Au standard. Au standard. Tranquille. Non, mais Romano, il nous écoute plus, là. Fred, bah, ça y est, nous, on va se barrer, monsieur. Ah, bah, vous avez vu ce qui se passe. On ne les tient plus. Ouais, ouais, j'ai eu Aurore, c'est bon, elle y croit et tout. Elle est contente. Elle était très contente. Très bien, tout va bien, Fred. Hein. Ouais, j'ai compris qu'il y avait un petit souci. On avait perdu deux membres de l'équipe, là. Ouais, Karim et Cariole, les deux cas. On les appelle les caca, d'ailleurs, le matin. Ouais. Bon, en même temps, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est pas nouveau. Bon, bah, c'est parti pour, une journée, jusqu'à 20h. Ensoleillée. Ça dépend. Ça dépend où, ouais. Mais une journée de son, ça c'est pour ça tout le monde. Ça c'est sûr, pour tout le monde. Et c'est sur Skyrock que ça se passe avec toi, Fred. Urban Music Non-Stop, toute la journée, des nouveautés, du son à écouter. Et aussi des bons vieux souvenirs, mon beau frère. Ouais, des souvenirs. Dire, tu nous proposes un cocktail musical. Oui. C'est un cocktail musical, Romano. En effet, le cocktail musical jusqu'à midi. Waouh. Très bien. Et sortez les cassettes. Et un cocktail de folie qu'on va retrouver. Mais il dit ça, mais il y a encore des radios qui font comme ça, chérie. FM, c'est ça, hein. Sortait avec des cassettes. Tu passes quoi, un con? Il met des cassettes. Non, mais il n'y a plus personne qui a de cassettes. Si, chérie FM, ils ont des cassettes. Ah bon? Ah bah oui, ils ont des titres tellement vieux. Ah merde. Bah alors, chez Nostalgie, qu'est-ce que ça doit être? Ah bah eux, c'est des 45 tours. C'est les 78 tours, quoi. C'est ça, voilà. Bon, du son qui débarque toute la journée. Profitez bien, vous gagnez votre 10h toute la journée aussi. On vous embrasse et on vous retrouve demain matin pour le morning dès 6h. Et évidemment, ce soir, entre 21h et minuit, on aura des nouvelles de Cédric qui se fait opérer aujourd'hui de sa clavicule. Ah tiens, comme dirait Ophélie, là, sur les messages, quoi, à Cédric qui se fait opérer aujourd'hui. Ouais, courage. Pensez passe à lui. Sur le billard à 14h. À 14h, il passe sur le billard. C'est bah, courage aussi aux mecs qui vont l'opérer. Ouais, c'est hein. Surtout, c'est surtout à eux, moi. Tu sais qu'on y a pensé hier soir et ce matin. Quand ils vont ouvrir tout ça, là, les pauvres. Est-ce que tu savais, Fred, que quand t'es anesthésié, tu pètes? Ah non, c'est vrai? On a pris ça hier soir. Non, mais je me posais la question, mais ça va être terrible. Parce que Cédric, déjà. Animé, il est. Oui. Bah alors, en train de dormir, j'imagine. C'est bordel, pire. Quoi. Non, puis quand ils vont l'ouvrir, je sais pas, il va y avoir du gaz qui va sortir. C'est un nuage. Par le bras. Bon, ben ce soir, on aura des nouvelles de Cédric. On vous dira tout. Hein. Soyez là à 21h. Merci pour cette belle matinée. Et puis, ben, une belle journée qui démarre sur Skyrock. Et puis, tiens, un petit conseil. Envoyez 1500 au 720. Vous envoyez maintenant. Vous appellera peut-être demain. Ouais. Magnifique. Ça voilà. Marche jour et nuit, ça. Oui, et répondez Skyrock. Jour et nuit. Day and night. Allez, bonne journée à vous. Bon, je commence à parler anglais, faut qu'on y aille, là. Bye bye! Pourtant, bye. Tu maîtrises tellement l'anglais. Ah, bah là, la preuve, Fred. Pas comme toi, mais je vais te laisser faire, Fredo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec ciao. Travis Scott. Ah, j'aime bien ça, Travis Scott. Ah, il défonce le morceau et Young Thug aussi sur le morceau. Encore un son découvert ici sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. C'est parti, coup d'envoi. Ouais, allez. Pour le cocktail musical. C'est parti, Fredo. Ciao à tous. Ciao, ciao. Bonne matinée et bienvenue à vous tous. En ce mercredi matin, on va en effet écouter Travis Scott maintenant. Pick up the phone, la roulette qui tournera aussi tout à l'heure. Ce sera avant midi avec un nom d'abonnement chez nos amis de Deezer, où vous retrouverez Skyrock et ses différentes playlists où vous aurez de la musique en illimité. Je vous en parle d'ici quelques minutes. Yeah! Oh yeah! Ooh. Travis Scott, Tucker, baby. I just went got my door. Pull it off and I'm gone. Then I go up before. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore. Trees and blowing a bag on you. up in my toes. Hitting the block and I'm bleeding. Throwing that rolling on you. Hide the way it be freezing. Pick up the phone, baby. I know you're home, baby. It's lit. I'm in the zone, baby. Straight up. I just put up a fall, baby. Yeah, I'm before that edit bitch. Lean like my motherfucking gravity. Super Bowl ring with me body bend. I stacked it up, now I'm just better living. Got screws in my mouth, I'm just prepping it. I'm fucking this cash on my celibate. I'm packing it out like a reverend. I need all this cash, I got hella kids. I'ma play dumb and get left in the middle. Yeah. Bad the fuck up, you too little. Wow. Hit him with three like a middle. Yeah. I don't talk to no man in the middle. I don't talk to no man, I'm just kidding. I swear. But I did pay my sister tuition. Woo. I feel lucky, I should play the lottery. Yeah. Walking out with it like sun and listen. Woo. Mama told me I'm her brightest star. Yeah. Mama told me don't hate on the law. Because everybody got a job. What? Because everybody won't be a star. Real shit. Real shit. Please believe every motherfucker right here won't be a boss. Swear. Swear. She gon' do anything in her power to be with your boss. Pick up the phone, baby. Hitting the block and I'm bleeding. Throwing that rollie on you. I like the way you be breathing. Pick up the phone. McCullough cooking, baby, I'm alone. I thought I was right. Then I had to man up, I was wrong. I hate when we fight. She in love with the pipe. I draped her up in ice. I put my phone on ice. Birds in the trap sing by McKnight. Percocet and codeine, please don't take my life. She had a dream with Celine, so I bought it twice. Young nigga, make it right back tonight. Girl, you're so cute and your ass is nice. Drinking the phone and I'm shooting dice. Wrist pulling back, Klondike. And I'm loving all races. Hell nah, don't discriminate. Drinking on clean, sanitized. Extra sheets with the frog eyes. You forever call your phone, baby. Better believe it's only one time. Pick up the phone, baby. Hitting the block and I'm bleeding. Throwing that rollie on you. I like the way you be breathing. Bougez pas après Travis Scott et Young Thug sur Skyrock, ce sera Ken Jones à écouter. Don't Mind, ça arrive PNL aussi juste après. Tous les matins, réveille-toi avec Skyrock. Full t'offre les cadeaux qui te déchirent. Des PS4, FIFA 17, des iPhone 7. Romano prend tous les risques. Et mon point, si ta gueule, je veux t'arriver de la thune, moi. Ah non, la thune, c'est Skyrock qui la donne. Si on te demande quelle est ta radio préférée, qu'est-ce que tu réponds? Skyrock. Skyrock, c'est Skyrock. Et tu gagnes 1500 euros. Ouais, bravo. 6h-9h, réveille-toi avec le morning de Default sur Skyrock. Une seule radio t'offre 1500 euros toutes les demi-heures. Ah bah c'est Skyrock. C'est Skyrock. I'm don't worry about tomorrow. Hello tout le monde, c'est Emeric. Bon, j'ai le bon plan là pour tous les fans de séries à l'écoute de Skyrock. Ça va se passer sur Netflix. Il y a Luke Cage qui arrive. Ça sort ce vendredi 30 septembre. Alors Luke Cage, moi j'ai eu la chance de voir l'épisode en avant-première. C'est du très très lourd. En gros, le mec c'est un black surpuissant, c'est un héros Marvel. Il a des pouvoirs de dingue, ça se passe dans son quartier d'origine à Harlem. Et en plus, l'histoire est dingue, l'ambiance aussi. Et il y a une bande son explosive. Pour tous les fans de son rap des années 90, vous allez pouvoir retrouver du Nas, du Method Man, du ODB. Bref, vous allez kiffer. Ce vendredi 30 septembre, en plus vous aurez tous les épisodes d'un coup, puisque sur Netflix, dès qu'une série sort, on a tous les épisodes tout de suite. Vendredi 30 septembre, à pas louper, Luke Cage sur Netflix. Pour le magique anniversaire de But, en ce moment, moins 200 euros sur le lave-linge Hublot 7 kg Electrolux. 299,99 € seulement. Bon, dis ça, j'y cours. But, c'est nous. Hit it. Tu veux réussir ta rentrée ? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres. Profite des astuces du peuple YAX et partage tes délires.

play. No matter where I go, girl, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, girl, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, girl, you know I love them all. Connu sur les nouveautés. Skyrock. On finira par s'y faire. Par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Nique ton buzz. Nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, puta creuse. Puta creuse. Puta. Puta. Je veux pas qu'on m'invite. Pardon. Je recompte. Je recompte. Mes rêves se ravis, money, money, money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non, mmh. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la cette tasse, voir ma je sais pas vraiment le Yankee veut ça en menotte dans la au parle, je sens la une 15 au milieu des tochas. Je fais le tour de la plaine avec Epona. Je l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané. Nanané. Grosse de pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais. Olé, olé, je suis parisien, enculé. Volé, volé. Aux riches, mais pas aux pauvres, salope, salope. Une légende comme Aïe sur le terrain. Aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïs avec cette merde que la mif braille. On pourra pas dire qu'on est condamné. La lumière, on la voit que depuis cette année. 170 degrés, je dois pédaler. Laisse-les parler. Des schlags et des schlags, je peux plus les compter. Et l'hôtesse de l'air, elle me sert à bonter. Je suis pas là, mais VR continue de voter. Dans l'escalier. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Résident, ta grand-mère, rigolo. Prononce mon blanc, j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête, ça lève les compètes. Mon haut, tu mens, et tu sais, je m'empête. Je m'empête, je m'empête. Non, non, ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la c'est ta seule voix, ma je sais pas. Le Yankee veut ça en menotte dans la au palais, je sens la je rappe que pour la la street, ça pue la je vois le monde, je vois ça en poster. J'ai là, tu crois, je veux le, et tout ce qu'il y a de, sa mère là, AMD, je suis totalement paix.

l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis un feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis un feu. Ce soir de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis un feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Je suis un feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis un feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis un feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis un feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis un feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien un peu. Si tu me parles, rien un peu. Si tu me touches, rien un peu. Car moi ce soir je suis un feu. Je suis un feu. Je suis un feu. Car moi ce soir je suis un feu. Je suis un feu. Just give me the light. Just give me the light. Just give me the light and pass the joe. What's another buckle of more? Yeah, I'm in on my sides and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in on the vibes and I got my dough. What's another buckle of more? Yeah, I'm looking hype and I got to know. Could I be your protector? You're buffing every sector. Every man around them wants on your inspector. But you know, let them threaten, I grill you with no lecture. But them for a drill, not them fuel injector. And them a infector, disease collector. Now for them, I go like them, walk come wreck ya. Don't know the part where you got in your center. But you know, you're not let them guide it affect ya. Yo, girl, just give me the light and pass the joke. What's another buckle of more? Get them in on my sights and I got to know. Which one is gonna catch my flow? I'm in on the vibes and I got my dough. What's another buckle of more? Girl, I'm looking hype and I got to know. 1, 2, 3, 4, 5 of them. Situation getting really live again. Girl, them off the young ones with the players and the riders. Them beside of them. And them say them tired of the liars. Them fires and connivers. Them when they fucking beside of them. They kind of them. Especially the money out of them. Watch it, girl. But them a try to make a bride of them. They night again. Some of them a move like a Spider-Man. Girl, them say them not home wide again. Yo, just give me the light and pass the joke. What's another buckle of more? Girl, them in on my sides and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in the vibes and I got my dough. What's another buckle of more? Girl, I'm looking hype and I got to know. Could I be your protector? You're buff in every sector. Every man around walk on your inspector. But you know, let them threaten, I grill you with no lecture. But them power chill now, them you will inject. And them my inspector, disease collector. Now for them I go on like them walk on wreck ya. Don't know the path where you got in your center. But you know you know, make them guy they come and fake ya. Yo, just give me the light and pass the joke. What's another buckle of more? Girl, I'm in on my sides and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I got the vibes and I got my dough. What's another buckle of more? Girl, I'm looking hype and I got to know. 1, 2, 3, 4, 5 of them. Situation getting really live again. Girl, them off the out with the players and the riders. Them beside of them. And them said them tired of the liars. Them fires and connivers. Them will never get beside of them. They kind of them. Especially the money out of them. Watch it, girl, bro. Them a try to make a bride of them denied again. Some of them a move like a Spider-Man. Girl, them said them not home wide again. Yo, just give me the light and pass the joke. What's another buckle of more? Girl, I'm in on my sights and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in on the vibes and I got the dough. What's another buckle of more? Girl, I'm looking hype and I got to know. Oh, yo, well, just give me the light and pass the joke. What's another buckle of more? Girl, I'm in on my sights and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in the vibes and I got my dough. Plus another buckle of mo. Girl, I'm looking up and I got to know. Come because so then just give me the light and pass the joke. What's another buckle of mo? Girl, I'm in my sights and I got to know. Which one is gonna catch my flow? Cause I'm in the vibes and I got my dough. What's another buckle of mo? Girl, I'm looking up and I got to know. Come across so then, just give me the lights and pass the joke. What's another buckle of mo? Girl, I'm in my sights and I got to know. Sean Paul et Gimme the Light à l'instant sur Skyrock. Passez une bonne matinée. D'ici une petite heure, on fera tourner ensemble la roulette, hein, pour vous inscrire et faire tourner la roulette. C'est simple. 7-20-20, vous envoyez roulette au 7-20-20. Le 7-20-20 qui vous sert aussi à choper 1 500 €. Pas mal aussi, hein, ça. C'est le morning de Default. Tous les matins, entre 6h et 9h, 1 500 €. Comment faire? Vous envoyez pareil, 1005 au 7-20-20, 1500, 1500 au 7-20-20. Et demain matin, si on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock, c'est 1 500 € à choper toutes les 30 minutes. Bougez pas, retour du son avec Rihanna sur Skyrock, ça arrive tout de suite. Rihanna, le DJ et producteur anglais Calvin Harris, qui a fait le son de ce morceau. Il y aura aussi Maître Gims sur l'album de Niska, c'est un petit peu l'aller-retour. Il y avait le morceau évidemment Sapé comme jamais de Maître Gims et Niska. Cette fois-ci, c'est Niska qui invite Maître Gims sur son album Zif Kuro. C'est le nom de l'album de Niska, on écoutera le morceau, elle avait son Joe. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'1 an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion.